Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, l'émission du lundi soir, calendrier des esclavages et des libérations. Alors, le programme de ce soir, eh bien, au départ, Clément Viktorovitch, qu'on entend assez souvent, Borne sur Canal+, Elisabeth Borne, ce qu'en pense Clément Viktorovitch, hein, 1 minute 39. Il dit beaucoup de choses en 1 minute 39, lui. Ça se passe au Niger, canicule, face à la pénurie d'eau à Jarmé, on propait dans le lac, hein, européen, et puis c'est à vous, la 5, sur la 5, Vincent Lindon, Coupe du Monde du foot au Qatar. Ah, Vincent Lindon nous dit ce qu'il pense de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Et puis Choron, en direct face aux étudiants, émission de Michel Pollack. Vous vous souvenez de Michel Pollack? En 1982. Et là, c'est pareil, 2 minutes 44, mais en 2 minutes 44, ils disent pas mal de choses quand même. Hein. Et puis, le collège du Val d'Ajol, là, les parents d'élèves s'expriment sur 22 minutes environ. Hein. Collège du Val d'Ajol, qu'on a décidé de fermer, que les autorités ont décidé de fermer. Pourquoi? Comment? Bon, on comprend pas bien, hein. Comment les autorités prennent des décisions comme celle-là? C'est peut-être pas très, enfin. Policiers formés en 15 jours. C'est une trouvaille de la Macronie. Eh oui. Former des policiers en 15 jours. Ça veut dire que, ben, finalement, le métier de policier est relativement simple, hein. On apprend à utiliser un pistolet et puis le reste, bon. On apprendra après sur le terrain, sans doute. Yves Coppens, mémoire de la LCP, la chaîne parlementaire. une chaîne intéressante aussi, la chaîne parlementaire, hein. La grande librairie. Alors, Yves Coppens, il a plein de choses à raconter. Enfin, il avait plein de choses à raconter parce qu'il nous a quittés il y a quelque temps. Mais c'est l'homme qui a découvert Lucie. Vous savez, notre ancêtre d'il y a quelques milliers d'années, hein. Thomas Pesquet, sur Click Canal Plus. Alors lui aussi, il a plein de choses à raconter. Il est beaucoup plus jeune, Thomas Pesquet, mais il a déjà une vie qui est bien, bien remplie. Jean-Louis Etienne, Un monde, un regard. Alors Jean-Louis Etienne, c'est pareil, sa vie, elle était remplie, hein. Bon, il a jamais dû s'ennuyer, hein. Jamais, jamais. Quand il y a quelque chose qui lui semble un peu monotone, eh ben, il a vite fait de changer de braquet et d'imaginer autre chose. Et puis alors, bon, une petite revue de presse pour finir. Voilà, bonne soirée. David bela melodie, tre placis alti eladi, sed vi ne zorgas pri musica bruia. Dissonis tiel bela tril, minora fal, majora bril, hesitas la regca inversas, alleluia. Vi credes firme, cae venis la pruve, shibani sim, en oracov, shia bellezzo ashangis, tion tuie. Shilassis vin, en iu cantin, comprenis coron, conqueris vin, cae viai lipoi flustris rale. Calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé dans le monde en ce qui concerne les esclavages et les libérations? Eh bien, le 12 septembre 1847, en Allemagne, des radicaux réunis à Offenbourg réclament la liberté de presse, la liberté religieuse, l'élargissement de la diète, une armée fédérale et populaire, l'instruction obligatoire et l'impôt sur le revenu. En 1847, ils étaient exigeants, les Allemands, hein, ils en demandaient d'un coup. Bon, les Français avaient demandé ça un petit peu, à peu près, vers 1789, hein, déjà. 1898, Philippines, déclaration d'indépendance de Mayolos. La première république indépendante des Philippines est née, mais l'archipel sera rapidement recolonisé par les États-Unis, avec la complicité des notables locaux. Les États-Unis avec la complicité des notables locaux en 1898. Vous imaginez ça, hein? Oh. Oh. les États-Unis avec la complicité des notables locaux. 1904, France. Le congrès de la CGT à Bourges vote, malgré l'opposition d'une forte minorité, un texte, entre guillemets, considérant que les travailleurs ne peuvent compter que sur leur action propre pour améliorer leurs conditions de travail, donne mandat à la CGT d'organiser une agitation intense et grandissante à l'effet que le 1er mai 1906, les travailleurs cessent d'eux-mêmes de travailler plus de 8 heures. 1905, en France, encore, alors que les dragons essaient de dégager la place de la gare de Longwy, où les sidérurgistes grévistes sont rassemblés, Nicolas Huard, ouvrier, est tué d'un coup de lance. Quand les États assassinent les citoyens, c'est grave, c'est grave. Les États sont là pour protéger les citoyens, pour faciliter la vie des citoyens, pas pour les assassiner. 1917, Suisse. Manifeste de la Conférence internationale de Zimmerwald. Les peuples s'acheminent avec résignation vers le quatrième hiver de guerre avec toutes ses horreurs. Des millions d'hommes ont été estropiés. D'autres millions sont traînés à l'abattoir. La famine et la misère exterminent ceux qui restent à la maison. Nous voulons la paix, la fin de l'assassinat des peuples. Nous voulons la paix, la fin de l'assassinat des peuples. 1917, Suisse. 1930, Vietnam. Des révoltés, au nombre de 6000, tentent d'investir la ville de Vinh. De nombreux postes tombent entre leurs mains. Mais une fois l'effet de surprise passé, la répression coloniale va sévir inexorablement. 1946, France. Loi sur l'assurance vieillesse. Nous sommes en 2022, les macroniens, macronistes, etc. veulent détruire l'assurance vieillesse. En 1946, on crée l'assurance vieillesse. 1955, France. Les négociations à Nantes ayant échoué. La grève reprend. C'est un succès. 30 000 travailleurs sont dans les rues. La ville est paralysée. Une délégation est reçue par Edgar Faure à Paris. Bavardage. 1974, Éthiopie. L'empereur Haïlé Sélassié, le Négus, est déposé. 1977, Afrique du Sud. Le dirigeant noir, Steve Biko, âgé de 30 ans, est trouvé mort dans sa prison. Entre guillemets, trouvé mort. Il sera regardé comme le père des mouvements de la conscience noire. 1980, Italie. La Fédération de travailleurs de la métallurgie proclame 4 heures de grève pour tout le groupe Fiat. 1980 encore, en Turquie. Coup d'état militaire dans le gouvernement qui sera constitué le 21 novembre sur 27 ministres, 6 sont des généraux en retraite. La voie est ouverte à la répression. Voilà. Alors mon petit livret s'arrête en 1980, mais depuis 1980 jusqu'à 2022, il s'en est passé des choses, bien sûr. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello boy. You come with me, amigo, te quiero mucho, liebling, come dorm with me. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands, le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg ou bien ailleurs, qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam. disco. C'est un bourg au ciel de pluie qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui. M'a dit je t'aime à plus finir, laisse dans la tout est marin, laisse dans la mer et puis viens, moi j'ai du bonheur à t'offrir. Ma petite gueule, c'est un hambourg au ciel de pluie, dans les bastringues matelots, que je trimballe encore ma peau, les bras ouverts à l'infini. Car moi je suis comme la mer, j'ai le cœur trop grand pour un seul gars, j'ai le cœur trop grand et c'est pour ça. J'écris l'amour sur toute la terre. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. So long boy, adios amigo, nachher Schatz. Au revoir petite gueule. Les filles, vous savez, je pense sur un certain nombre de sujets, je ne suis pas en train de dire que c'est un signe égal entre LFI et le Rassemblement National, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne partage pas. Par exemple, des ambiguïtés sur la laïcité, des ambiguïtés sur l'antisémitisme. Donc voilà, je pense que c'est compliqué de se retrouver avec eux. L'antisémitisme ? Ben, je ne sais pas, moi j'ai pu voir Jérémy Corbyn, vous voyez, qui tient des propos... antisémite, hein, qui est venu en soutien d'une des candidates. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais je... Un travailliste anglais, hein. Oui. Ouais. Pour autant, le parti sort-il de l'arc républicain, selon vous, à cause de ça, de Jeremy Corbyn? Je note que le parti, d'abord, on a effectivement des divergences sur des sujets importants, comme la laïcité, et que par ailleurs, ils n'ont pas du tout été dans la co-construction, dans le débat. Ils n'ont jamais cherché un accord dans les débats qui ont eu lieu lors de la session extraordinaire. Est-ce que le fait que vous soyez en désaccord vous autorise à les exclure verbalement, rhétoriquement, comme ça, de l'arc républicain? Qu'est-ce qui autorise un acteur politique, un responsable politique tel que vous, à décréter où s'arrête et où commence la République? Je ne suis pas autorisé à effectivement qualifier peut-être France Insoumise. Je vous dis que ce n'est pas avec eux, enfin que je pense qu'ils ne souhaitent pas chercher des compromis avec nous, c'est ce qu'on a pu constater au long des semaines qu'on a pu passer à l'Assemblée nationale. Ils n'ont jamais cherché à trouver des compromis, donc je pense qu'on n'est pas d'accord. Sur Europe 1, la France maintenant, avec une nouvelle journée de canicule attendue aujourd'hui. Ah, si le pic est attendu demain, la barre des 35 degrés va de nouveau être dépassée aujourd'hui dans le sud du pays. Il fera plus de 30 degrés dans l'est, qui n'a toujours pas vu depuis des semaines. Les Vosges souffrent de la sécheresse et la population cherche de l'eau, à tel point que la commune de Gérardmer a décidé hier qu'elle allait pomper le lac pour alimenter le réseau d'eau potable. Une situation totalement inédite. Reportage de Tatiana Gezel. Ce pourrait presque être un gag, mais c'est bien une réalité à Gérardmer. Normalement, les rivières coulent dans les lacs, sauf qu'ici, depuis le début de l'été, on pompe l'eau du lac pour la réinjecter dans la rivière, rivière qui s'écoule ensuite à nouveau dans le lac. Un circuit sans fin, mis en place pour assurer la survie des truites de rivière, explique Christophe Hasman, directeur de la Fédération de pêche des Vosges. C'est pas une situation naturelle, hein. C'est une situation qui a été mise en place parce que les besoins en eau de la commune sont tellement importants, du fait du tourisme, hein, que les puits d'alimentation sont à sec. Et donc, en secours, l'eau du lac est renvoyée 600 mètres à l'amont de l'embouchure du ruisseau pour permettre aux truites lacustres de dévaler vers le lac et de pouvoir se reproduire par la suite dans ce même ruisseau. Sauf que désormais, le manque d'eau est tel que l'eau pompée dans le lac ne peut plus être injecté dans le ruisseau, mais doit être redirigé vers le réseau d'eau potable de la ville. Problème, sans eau artificielle, plus de rivière, et sans rivière, plus de poissons. Les pêcheurs effectuent donc des opérations de sauvetage. Là, il y en a deux au fond. Salopette de pêcheurs et bottes aux pieds, Christophe Hasman injecte des décharges électriques dans le ruisseau. Ça les assomme. Et ça dure combien de temps ? Quelques minutes. Plus facile pour les attraper. Les attraper avec des épuisettes dont sont munis la douzaine de pêcheurs venus prêter main forte. Ensuite, les truites sont transportées dans des seaux jusqu'à un camion-citerne garé quelques mètres plus loin. Et donc, on va les déposer sur un autre ruisseau qui est encore en eau dans leur nouveau lieu de vie. Une nouvelle vie dans une rivière naturellement alimentée en eau cette fois pour les plus de 1000 poissons récupérés en l'espace de 5 heures. Gérard May, Tatiana Gezuman, Europe. Ici, la radioactivité est deux fois plus élevée que dans la zone interdite de Tchernobyl. La ville est sortie de terre dans les années 70 grâce à ses gisements d'uranium. Elle est bordée par deux immenses mines, gérées par des filiales de la multinationale française Orano, que tout le monde ici appelle encore Areva. De cet uranium, les habitants d'Arlit n'en aperçoivent que le relief. Ces immenses terrils jaunes, des résidus miniers entreposés à l'air libre. Les poussières, portées par le vent du Sahara, s'engouffrent dans la ville, jusqu'à l'intérieur des habitations. Qui parmi vous est malade aujourd'hui ? Certains sont hémiplégiques. D'autres souffrent de maladies chroniques. Qui estime que c'est à cause d'Areva que vous êtes malade, ici ? Officiellement pourtant, ici, aucun habitant ni aucun salarié d'Areva n'a jamais été reconnu malade à cause de la radioactivité. Le seul qui l'ait été, c'est un salarié français qui n'a passé que 7 ans dans cette ville quand la plupart de ces hommes vivent et travaillent ici depuis plus de 40 ans. Dans la nuit nigérienne, nous rencontrons un salarié du groupe. Il nous remet cette clé USB mais ne souhaite pas répondre à nos questions par crainte de représailles. Sur ces images internes, tournées par la multinationale, nous découvrons l'ampleur de l'impact environnemental. Le groupe utilise des explosifs pour accéder à l'uranium. Dans la poussière, les mineurs retournent la terre radioactive pour obtenir cette pâte, appelée le yellow cake, un concentré d'uranium. Orano en produit 2500 tonnes par an au Niger. Cette opération nécessite un lourd procédé chimique et engendre des résidus à perte de vue. Les montagnes du bout de la ville n'ont rien de naturel. Ce sont 35 millions de tonnes de déchets toxiques entreposés à l'air libre. Pour mesurer les potentielles retombées de poussière radioactive sur la population, nous sommes venus avec un matériel spécial, un appareil qui mesure la radioactivité. Bonjour Martin Boudou, ça va ? Pour nous aider à le manipuler, Bruno Chareron, ingénieur en physique nucléaire à la CRIRAD, la seule association indépendante française qui travaille sur la radioactivité. Très vite, notre compteur s'emballe. 3000 coups par seconde. Soit 30 fois au-dessus de la radioactivité naturelle. Une personne qui resterait ici 1h30 par jour dépasserait largement les doses maximales de radioactivité recommandées par année. Des éléments très radioactifs comme ça au milieu d'Arlit, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis choqué. Et c'est ce qui m'amène dans cette ville. Et c'est pourquoi j'ai risqué mon travail, j'ai risqué tout. Je continue à risquer tout parce que ça me choque. Je pense qu'on ne peut pas laisser les enfants et les pauvres femmes innocents dans de tels machins. Et ça, vous savez, c'est destiné à quoi ? C'est destiné à une construction d'une maison, voilà, ou d'une école. je l'ai dit ce matin, je regardais pas la Coupe du Monde. Mais c'est la même année. Je sais pas comment nos contemporains font pour arriver à comprendre quelque chose, à supporter de marcher la tête en bas, les pieds en l'air. On est dans un asile géant. C'est incroyable. La même année, il y a des jeux d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige. Et après, il y a des jeux d'été dans un pays où il fait 60 degrés à l'ombre, où ils ont construit 10, 12 stades réfrigérés et où c'est non seulement une aberration climatique, mais une aberration écologique. Et en plus, il y a un non-respect de l'idéologie des droits de l'homme. C'est incroyable. La seule chose que je peux dire, parce que ça je peux le dire, j'ai la légitimité de le faire, ce serait un championnat du monde des acteurs, par exemple. Ça serait la Coupe du Monde des acteurs. Oui, je pense que je ferai une conférence de presse et je dirais, moi personnellement, j'ai encore envie de gagner tel ou tel prix, mais je renonce à y aller. Je pense qu'un grand footballeur, j'adorerais me transformer en une grande star de football dans les 5 ou 10 plus grandes stars du monde, je vais pas donner de nom, mais faire une conférence de presse et dire, voilà, j'ai eu X fois le Ballon d'Or, je suis extrêmement demandé, je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai pris la décision personnelle de ne pas aller au Mondial sans prévenir mon entraîneur et mon pays. C'est ma décision d'hier soir. Messieurs, mesdames, et je me lève à la Pompidou pour l'affaire Gabriel Russier. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui commenceraient à dire à la vache. Et après, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça a l'air simpliste, mais ça peut venir que des joueurs. Ça peut pas venir d'un État. Un État n'a pas le droit de demander à des joueurs ou à Didier Deschamps, je vous demande de boycotter la Coupe du Monde. Mais un joueur, il est libre, c'est un artiste. Il peut, lui. Donc je trouve que ça serait bien, oui. Moi, je vais avoir du mal à... Pas du mal, je vais pas regarder la Coupe du Monde, parce que après, je pourrais plus venir à cet avou et dire ce que je pense. Je me sentirais pas à l'aise. Comme moi, j'aime bien dormir tranquille et que j'aime bien avoir un sommeil où je vous dis que j'ai en tout cas pas trop de choses à me reprocher, je regarderai pas la Coupe du Monde. Quoi, tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ben, faut que ça ne veut plus rien dire, lycéens. C'est des merdeux. Alors, il faut des trous du cul. Des cons. Merci, sûrement. Bon, allez. Alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi. Bon. D'accord. Et donc, pour vous, qui êtes politiquement engagé, le Charlie Hebdo, ça vous paraît quoi? Ça vous paraît être trop contestataire et pas assez positif, c'est ça, non? Vous m'avez dit tout à l'heure. Non, je pense... Enfin, moi, c'est mon impression. Ouais, c'est un journal, disons, anarchique. Oui. Et c'est sûr que... Ouais, je dis c'est un journal anarchique et je crois que les jeunes, maintenant... Les jeunes, ils sont sommes pertes. C'est des... Moi, tu m'as coupé les roustons tout à l'heure. C'est des choses... Vous concluez? C'est des choses qui les préoccupent. J'ai causé moitié moins que lui. Ouais. Enfin, ils ont des préoccupations dans la vie et c'est des choses dont ils tiennent compte de plus en plus. Ouais. Et je crois que c'est au détriment aussi d'un certain humour et... Bon. Ouais, puis un humour... Merci. Merci. Bon, ben écoutez, on a fait un petit panorama. Hein. Moi, j'ai pas préparé ça. On a vu. C'est assez concluant. On comprend pourquoi vous avez arrêté de paraître, parce que finalement, ils vous lisent pas. Parce qu'ils sont trop cons. Ils sont pas très drôles. Attends, tout à l'heure. Bon, je peux répondre. Il y aurait quand même un coup terrible. Est-ce que je peux répondre à ces défections? Bon, allez, Choron, un mot. Bon, je dis. Je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ben, faut que ça ne veut plus rien dire, lycéens. C'est des merdeux. Alors, il faut des trous du cul. Des cons. Merci, sûrement. Bon, allez. Alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi. Bon. Polak, je voudrais dire que ce que je viens d'entendre dire, là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère, c'est les mots de ma grand-mère, c'est les mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête, ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi bon, du allez, mot. Pas d'un, bon, pas... ils n'ont rien à foutre. Bon, ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. Merci, Choron. Bien. Alors, écoutez... ogni pensiero sembra un amabile leggiadro viso in pianto il viso e menzognero la donna ai mobbi quasi un malvento muda da cielo e di pensier sentesi felice a pieno chi su quel seno non mi valore la donna ai mobbi quale un malvento nudo da cielo e di pensier e di pensier Radio Grimozot était hier au Val d'Ajol pour enregistrer les parents d'élèves qui réagissent à propos de la fermeture du collège et du transport des élèves qui va demander du temps, qui va présenter beaucoup d'inconvénients jusqu'au collège de Plombières. Actu 88 a publié le problème posé aux collégiens par leurs parents. Ils ont fait la classe, les parents, devant le collège ce vendredi matin au Val d'Ajol. Ils étaient 73 vêtus de t-shirts, les élèves. Je vois la vie au Val d'Ajol, ce qui était écrit sur le t-shirt. Je vois la vie au Val d'Ajol, à faire leur rentrée dans une classe éphémère sur place. La rentrée 2022 au Val d'Ajol, c'est devant le collège. Problème. Sachant que Cléa, habitant au lieu dit Les Chênes, c'est un lieu dit du Val d'Ajol, prend le car RE07 à 7h10, remonte vers La Chaume par la Grande Côte, redescend par la Palais-Côte, remonte la vallée et arrive au collège du Val d'Ajol à 7h55, puis remonte vers l'hôtel enfoncé, un lieu dit entre Plombières et le Val d'Ajol, et redescend à Plombières pour remonter vers le collège et arriver après 29,4 km au collège Montaigne à 8h20. Entre parenthèses, si tout va bien, parce que nous sommes encore en été, mais en hiver, il y aura peut-être de la neige. Ça, c'est un commentaire que j'ajoute. Hein. Calcul. Voilà. Alors, ce qui est demandé aux élèves, c'est de calculer le temps que Cléa passe dans le car sur une journée, sur une semaine. Voilà, alors donc, il y a du mouvement, les gens défendent, les gens du Val d'Ajol veulent défendre leur collège. Alors, une question qu'on pourrait poser, tiens, à propos, pourquoi est-ce que les gens du Val d'Ajol iraient au collège de Plombières et pas l'inverse? Est-ce qu'il y a plus d'habitants en Plombières qu'au Val d'Ajol ou l'inverse? Est-ce que le bâtiment, etc., les installations sont meilleures à Plombières qu'au Val d'Ajol ou l'inverse? Hein, c'est des questions qu'on peut poser, ça. Voilà, entre autres. Et puis, ce qui se passe au Val d'Ajol, ça peut se passer à beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits, ça s'est déjà passé à pas mal d'endroits. Hein. Oui, on ouvre, on ferme, on déplace, on modifie. Ouais, on favorise le privé, disons. Eh ben, il risque de s'écrouler ou quoi? Ben, on ne sait pas trop, en fait. Hein. Déjà, l'expertise, elle n'a pas été rendue publique. Ah ouais. Hein, donc on a bon apparemment il y a quand même un problème de tissu et puis on sait que ces bâtiments ils présentent quand même un souci. Après est-ce que c'était aussi urgent que ça, ça on peut pas trop le savoir. Mais nous on a décidé en tout cas pour l'instant, au moins pour l'instant, de tirer une croix sur ça, d'aller de l'avant quoi. Et de se dire que la fermeture de ce site-là, ça peut être l'occasion de créer un nouveau collège plus tourné vers les besoins d'aujourd'hui et un collège innovant un petit peu, hein, avec notamment la mutualisation des usages des bâtiments, hein. Donc là par exemple le projet transitoire qu'on propose, hein, pour pouvoir ramener les enfants le plus vite possible au Val d'Ajol, et ben ça repose sur l'ancien collège, celui qui était avant celui-là, hein, qui a été complètement refait à neuf par la mairie en 2018, et le bâtiment qui est à côté, qui a été refait quelques années avant, qui sont occupés par des associations, par des structures intercommunales, qui quasiment toutes pourront rester continuer leurs activités en fait sur les sites en complémentarité du collège, hein. Au lieu de chauffer un bâtiment toute la journée pour quelque chose qui se passe une ou deux fois par semaine le soir, et ben là du coup le bâtiment sera occupé tout le temps, hein, et même des fois dans un échange enrichissant, quoi. Par exemple la salle de l'harmonie municipale, qui est aussi salle de l'école de musique, et ben elle pourrait servir comme salle de musique pour l'école, pour le collège, hein, donc avoir des instruments en plus, hein, la salle d'informatique, aujourd'hui il y a une salle en bas qui sert d'accueil pour les adolescents après le collège, où il y a des ordinateurs, ça deviendrait la salle d'informatique. Et ce serait aussi disponible pour le club Info, hein, qui est une association qui pourrait aider les adultes, et notamment les personnes âgées, à s'initier à l'informatique. Donc voilà, et la médiathèque pourrait devenir le CDI du collège. Exactement. Hein, et rester médiathèque en dehors des heures d'ouverture de l'établissement. Donc voilà, c'est ça peut être très complémentaire. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors après, ce bâtiment, bon, si vraiment il devait y avoir un refus, tout ça, peut-être qu'on reviendra sur comment tout ça s'est fait. Mais pour l'instant, on a décidé d'aller de l'avant, hein, de jouer la carte positiviste, quoi, et de plutôt aller dans le constructif, quoi, pour essayer d'élaborer un nouveau projet. Mais donc là, les gosses, ils sont à l'école ? Bah là, aujourd'hui, la rentrée, c'est décalé pour nous. Hein, donc elle est le vendredi. Oui, il semblait bien. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont le vendredi. Ah, c'est possible. Ouais. Donc nous, j'imagine qu'ils ont décalé pour les histoires d'organisation. Hein, donc la rentrée, c'est demain. Alors comme la réponse, elle a été un peu floue, hein, la réponse du conseil départemental à notre proposition, on a maintenu quelque chose qu'on avait préorganisé, on va dire, en prévision de ça, hein, c'est-à-dire une journée de boycott symbolique de la rentrée. Hein, où les élèves volontaires, les parents volontaires, ne monteraient pas dans le bus pour Plombières. Hein, donc là, on est à peu près à déclarer. Après, on verra ce que ça va donner demain, mais à peu près environ 2/3 des élèves qui se sont déclarés grévistes. Hein. Et puis on va organiser ici une classe champêtre, non, parce que pas vraiment dans les champs, mais. Nous sommes venus à notre collège pour y emmener nos enfants, et puis on a constaté que le collège était fermé, donc on organise la classe devant le collège. Puis les navettes pour les parents, j'ai vu qu'il y avait des navettes pour les parents. Des navettes pour les parents. C'était ce matin. Et c'était pour les parents, c'était avant. Ouais, avant tout c'était pour les élèves, hein. Et puis après ils ont dit que les parents pouvaient venir avec. Il y avait 3 bus, c'est les 3 bus qui vont faire la tournée tous les jours après. Ils n'étaient pas pleins. Ah non, ils n'étaient pas pleins. Je crois qu'il y en avait un qui était complètement vide, le grand. Le dernier. Ouais. Et puis les deux petits, il y en avait un qui était à peu près plein d'enfants et un qui avait quelques adultes dedans, dont Madame le maire qui est partie accompagner la visite. Voilà. Bon, de toute façon, après, hein, il faut pas non plus. Nous, on ne cherche pas à bloquer, on ne veut pas faire d'action de blocage, hein. C'est-à-dire que là, les enfants qui vendredi, demain, voudront partir à l'école, dont les parents, il ne faut surtout pas les contraindre par rapport à ça. Il ne faut pas leur gâcher leur scolarité, c'est ça, sûr. Exactement, hein. Leur rentrée déjà. Ouais. Et la scolarité pour tous les autres, c'est un peu le cas aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas... Là, après, pour la suite, il va falloir qu'on invente des modes d'action qui jouent pas sur ça, quoi, hein, sur d'autres plans, quoi, pour garder en fait la pression médiatique qu'on a besoin pour faire avancer le projet. Ouais. Hein, parce que là, bon, la réponse du conseil départemental, elle ne nous satisfait pas parce qu'elle n'est pas claire. Et aussi parce qu'on a le sentiment qu'il ne nous répond pas à nous. Il répond à Madame le maire, hein, c'est comme ça que c'est écrit dans la lettre, alors que c'était une lettre, la demande, elle avait été co-rédigée en fait avec les parents d'élèves, avec le maire du Girmont. Hein, et donc la réponse est adressée uniquement au maire du Val d'Ajol. Hein, et puis en plus, ce qui est mis en avant, c'est des possibilités. Hein, nous, ce qu'on attend en fait, c'est un calendrier ferme où on nous dit, bah voilà, dans une semaine, nous allons vous envoyer des agents du département, des services techniques du département, pour mettre en place ce projet, parce que nous avons compris que effectivement, il y avait un déplacement du danger, du problème de la sécurité. Hein, là, les bâtiments, ça a été fermé pour des raisons de sécurité, mais la route, ça représente aussi un problème de la sécurité. Surtout cette route-là qui est très sinueuse, très étroite, où il y a du gel l'hiver, des camions qui peuvent arriver dans le sens inverse et du coup des risques de blocage de la circulation, puis la traversée de Plombières qui est quand même assez scabreuse, de col à monter, voilà. Et donc la sécurité des enfants, aussi leur fatigue, ça fait des trajets très longs. Hein, on a calculé que les élèves qui mettraient le plus de temps, parce qu'il faut déjà que les... rapatrier tout le monde au centre du Val d'Ajol, depuis tous les hameaux dispersés du Val d'Ajol et du Gimont. Et donc, les plus longs trajets, c'est déjà plus d'une heure pour arriver jusqu'au Val d'Ajol. Donc là, ça ferait des trajets de 1h30. Donc ça ferait 3 heures de présence dans le bus pour les élèves qui habitent le plus loin. Dont, avec en plus une partie d'attente, hein, ici, le temps que tout le monde soit rassemblé. Et sans compter les éventuels retards qu'il pourrait y avoir pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, c'est-à-dire soit la neige, le gel, ou un arbre qui est tombé sur la route, deux camions qui se croisent, un camion qui croise le bus au mauvais endroit et ça bloque tout. Hein, et comme problème secondaire, du coup, par exemple, et ben, ce qu'il va y avoir, c'est que les écoliers de l'école primaire, eux, ils vont devoir attendre le retour des collégiens le soir, pour pouvoir ensuite être redispatchés avec leurs collégiens. Donc, alors dans le meilleur des cas, ils attendront une demi-heure. Hein, le temps du trajet, le moindre problème, ça va créer des... Alors même eux, ils vont être soumis en fait à des journées à rallonge, quoi. Mmh. Hein, donc ça, c'est pas possible. Et puis donc, il y a aussi le problème, ça aussi, on aurait aimé qu'il nous exprime qu'il avait compris donc ces problèmes-là, mais aussi, par exemple, le problème des associations, hein, qui aujourd'hui vivent grâce aux enfants qui peuvent, après leur cours, aller faire du sport, de la musique. Voilà, donc ça va être fortement menacé. Et puis le problème de l'économie, hein, parce qu'aujourd'hui les familles qui viennent au Val d'Ajol pour s'installer, c'est avant tout des familles qui viennent pour la qualité de vie que leur apporte notamment la présence d'un collège en centre-ville, hein, qui viennent avec des enfants, plus personne ne viendra, il y en aura peut-être même qui partiront, hein, et puis là par exemple vous avez Intermarché à côté, c'est sûr que son activité elle est largement drainée par le fait que les parents vont chercher leurs enfants à l'école. Hein, et d'ailleurs, ça se traduit déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence déjà à voir des entreprises qui se voient refuser des prêts avec comme motif de refus la fermeture du collège. Hein, donc, ça a déjà un impact immédiat. Quoi. Rien que l'annonce de la fermeture, ça a déjà un impact sur le financement de l'économie locale. Et donc tout ça, on veut toujours... que le président du conseil départemental affirme qu'il a bien compris tout ça et que donc il va mettre les moyens en œuvre pour donc il a compris la nécessité pour de maintenir le collège à court terme, quoi, tout de suite, quoi, pas dans un projet hypothétique futur, mais tout de suite, donc d'ici quelques semaines, quoi, un retour des enfants au Val d'Ajol. Hein, il faut penser en termes de dans des territoires enclavés comme le nôtre. Il faut vraiment penser en termes de petites structures de proximité. Hein, et ça, c'est... Mais le choix de la date pour annoncer la fermeture, ça aurait pu être fait à la fin de l'année scolaire précédente. Les gens aient le temps de s'organiser, tout le monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les élus, ils réagissent bizarrement par moment quand même. Voilà, alors donc ça, on pourrait. Comment laisser prévoir, disait l'autre. Hein. On pourrait en fait avoir des scénarios. On peut imaginer des scénarios par rapport à tout ça. Mais nous, ce qu'on a décidé par rapport à ça, c'est de croire en la version officielle, on va dire, c'est-à-dire de dire qu'effectivement, les analyses ont été faites l'été parce que il fallait pas que les élèves soient présents sur le site et que c'est ce qui explique le retard. Toujours est-il, enfin le timing, mais toujours est-il que en faisant cette annonce quand même 10 jours après la rentrée, avant la rentrée, ils ont sûrement pensé que qu'on n'aurait pas le temps en fait de réagir. Et finalement, ça a créé l'effet inverse. Hein, c'est-à-dire que du coup, ça a créé une telle colère que en 24 heures après l'annonce, à la réunion qui devait, la fameuse réunion qui passait à la télévision, on a vu Monsieur Vanson qui était un petit peu accueilli durement par les ajolés. Hein, c'était en fait une réunion d'information pour nous expliquer comment allaient fonctionner les bus et la cantine. Et finalement, ça s'est transformé en manifestation de colère où les ajolés lui ont exprimé ce qu'ils ne voulaient pas de cette perspective à Plombières. Et donc là, étaient présents non pas seulement les parents, mais en fait tous les ajolés. Il y avait en tout à peu près 400 à 500, 600 personnes, c'est difficile de compter. Et tout le monde se sent concerné. Et depuis, bah, en fait, bon, on a eu une journée, le lendemain, c'était le mercredi. On a commencé à travailler, du coup, la commune aussi, du coup, a compris que, non seulement qu'il y avait la population était vraiment mobilisée, et que donc, sa résignation, la résignation qu'elle avait un peu exprimée, encore les jours d'avant, eh ben, il fallait qu'elle la mette de côté et qu'elle se mette avec nous sur un projet constructif. Bonjour. Bonjour. Ça va quand même bouger. Oui, mais il faut déjà qu'ils descendent. Non, bah, c'est-à-dire qu'en c'est le départ depuis la maison. Depuis la maison. Ouais. Hein, c'est et puis 7h10 le premier bus. 7h10 7h10 le premier, oui. Ah bon, non, c'est plutôt que ça. Hein. C'est du cuisine. Mais j'ai regardé là, je trouve. Ah, parce qu'ils ont repris ça. C'est pas mal de donner les changements d'horaire. Oui, quand on regarde les plannings qui sont prévus, ouais. Ils ne prévoient pas, parce que, par exemple, pour le retour, ils prévoient le départ de Plouguer 16h30. Mais 16h30, c'est la fin des cours. Ouais. C'est impossible qu'à 16h30, le bus parte. Ah ouais. Ben, déjà qu'ils montent dans le bus. Ils ont fait des horaires, parce que là, l'année dernière, ceux qui partaient le plus tôt, c'était 6h45. Ouais. Et puis donc après, ils ont refait les horaires, mais quand tu regardes les tournées, comment elles sont, comment le timing est fait, on se dit que c'est pas réaliste, en fait. C'est pas possible que ça soit. Là, j'ai vu juste avant de venir que il y a un bus, le bus du plateau, là. Ouais. Donc il part à 7h10, du roulier. Il fait tout le plateau, là, la croisette. Il descend au Val d'Ajol, il va à l'école, il vient ici au collège et puis il remonte. Donc c'est le même. Ouais. Donc les enfants qui habitent là-haut, ils font tout le trajet dans le bus, ils redescendent ici pour repartir à Plombières. Et ça fait 39 km. Normalement, c'était un peu la force d'un mouvement comme celui-là, hein, qui se retrouve dans plein d'autres endroits. C'est qu'en fait, nous ici, on représente une intelligence collective. Voilà. C'est-à-dire qu'on est un groupe de citoyens, on est nombreux, des fois on est plusieurs jusqu'à 150 qui sont réunis ici sur la place. Il y a des idées qui fusent. En fait, tout le monde réunit sa réflexion. Eux, les politiques et les bureaucrates, ils fonctionnent d'une autre manière. Ils ont chacun, en fait, leurs compétences théoriques. Hein. Par exemple, la mairie, c'est elle qui est propriétaire de l'ancien collège qu'on veut, dans lequel on veut mettre le collège transitoire. Elle n'avait pas pensé que ce serait possible de faire un collège à cet endroit-là. Il a fallu que nous, on lui propose ça. Hein, et ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'eux, ils ont leur petite case, en fait, ils ont chacun dans leur bureau, et c'est étanche par rapport à leurs voisins, ils ont chacun leur domaine. Et c'est, mais nous, en fait, on aurait tendance, les électeurs, à penser que les élus en savent plus que nous, qu'ils sont plus multicompétents, qu'ils ont plus d'imagination, de créativité que nous, les simples citoyens. Non, ils sont plus experts. C'est pas le cas. Hein. Dans un domaine, ils sont plus experts dans un domaine précis. Mais ils ont du mal à faire du transversal, quoi. Moi, je dirais plus, les hommes politiques, ils ont des gens qui sont chacun experts dans une... C'est ça. Dans une chose. Oui, c'est ça. Et puis, ils leur remettent des petits rapports, et après, ils font une synthèse. Voilà, et puis souvent, bah, c'est élaboré... Alors, c'est sûr que M. Manson, c'est un gars du... C'est Vanson. C'est un gars du coin. Hein, donc on peut se dire qu'on pourrait penser qu'il a une connaissance un peu du terrain, mais en général les bureaucrates qui travaillent à la capitale, bon aussi chez nous c'est Épinal, voilà, ils sont dans un bureau, ils ont une carte sous les yeux, et puis ils vont tracer des lignes. C'est eux qui lui conseillent. Hein. Il faudrait qu'ils aillent, une dizaine de jours par an sur le terrain, rencontrer les vrais gens qui ont des vrais problèmes. Oui, bah, essayer d'échafauder des vraies solutions. Bah, c'est ce qu'on essaye en fait de faire avec eux, hein, de leur montrer qu'en fait il y a moyen de s'appuyer. C'est-à-dire que là, en gros, on voudrait montrer qu'il faut compter avec nous, hein, oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser faire, mais aussi qu'on peut compter sur nous. Hein, oui. C'est-à-dire qu'on est là on est mobilisé dans le constructif, pour élaborer ensemble des projets. Et d'autant plus dans la perspective en fait où on pense à des collèges ouverts sur l'environnement, et ben c'est que ces collèges-là ils doivent se construire avec les associations concernées, avec les citoyens, avec les usagers, hein, et que c'est comme ça qu'on réussit à faire des beaux projets, hein, que bien souvent vous avez les projets là par exemple les élus pour construire un nouveau collège, c'est mobiliser des millions et des millions d'euros, faire des nouvelles structures grandioses avec voilà. Alors qu'en fait, avec peu de moyens, on peut faire des choses très bien, qui soient. Je vais vous donner un exemple qui moi me fait penser à ce qui se passe ici au Val d'Ajol, mais qui est dans un contexte complètement différent. Il y a aujourd'hui en ce moment en Seine-Saint-Denis une maternelle qui doit être qui a besoin d'être rénovée. Hein, mmh. elle est obsolète au niveau des bâtiments. Et puis il y a de plus en plus de là c'est le contraire de chez nous, il y a de plus en plus de petits. Hein, on est en Seine-Saint-Denis, vous voyez, c'est le département le plus pauvre de France, mais un des plus peuplés et des plus denses. Et en fait à côté de cette maternelle, il y a un parc avec en fait une association qui a monté une ferme pédagogique. Alors vous avez des biquettes, des poules, tout ça. Et c'est en fait un îlot de fraîcheur au milieu de la ville. Hein, c'est un petit parc avec plein d'arbres, plein d'espèces différentes, du maraîchage, des cultures de petits fruits et puis des animaux. Et en fait, c'est pour les habitants de la ville. Et ben c'est là pendant la canicule, ils ont compris vraiment l'intérêt de quoi représenter ce petit îlot de fraîcheur. Et puis, ben, il y a des activités qui sont organisées avec la maternelle. Ils vont nourrir les animaux, s'occuper. Hein, voilà. Et le projet grandiose qu'ils ont de nouvelles maternelles. Et eh ben ça va raser tout ça. Alors évidemment la municipalité qui fait ça, ben, elle dit nous vous inquiétez pas, ce parc on va le déplacer, on va l'emmener ailleurs. Voilà, c'est comme si vous pouviez avec des pelleteuses ramasser 3 mètres de terre en profondeur, prendre le parc et puis le ramener à un autre endroit. Déjà c'est pas possible. Et puis en plus donc à l'écart en fait de la ville, hein, la nouvelle. Et donc alors que là ce petit parc il est au milieu de la ville. Et donc, y a une mobilisation qui ressemble beaucoup à celle qu'on fait chez nous aujourd'hui, hein, où tout le monde se mobilise, les parents, les profs. Là, il y a les professeurs des écoles qui sont avec. Il y a tout le monde qui est avec. Hein, et c'est la mairie qui est le promoteur en fait du projet grandiose de départ. Et ils ont monté un contre-projet avec des architectes, avec un contre-projet d'une école maternelle complètement nouvelle, mais intégrée dans le parc avec des petits bâtiments, des petites structures. Et du coup, ça prend tout à coup une autre dimension. Hein, et ce projet coûterait moins cher que celui, beaucoup moins cher que celui de la mairie. Hein, parce qu'en fait, ils sont obligés de détruire l'ancienne. Voilà, mais le parc, lui, il est là. Ils intégreraient en fait les nouveaux bâtiments sur le site de l'ancienne maternelle et en partie aussi sur le parc, mais à l'intérieur du parc. Hein, donc en plus, les enfants, ils seraient bien dans la fraîcheur au milieu de la ville, surchauffés l'été. Et donc voilà un projet cohérent, mais qui a été mis en place grâce à l'intelligence collective. Voilà. Et ça c'est exactement en fait, et ça c'est les choses qui se font de plus en plus. Je pense qu'il y a un sentiment, alors de plus en plus, c'est lié. À un moment peut-être que les gens avaient, disons, se disaient que voilà, il y a un fonctionnement de la démocratie où on se dit que tous les 5 ans on élit quelqu'un qui va mettre en place les programmes sur lesquels ils se sont engagés. Hein, et puis bon, au fur et à mesure du temps, on s'est bien rendu compte que ça marchait pas vraiment. Et qu'en plus, ces hommes politiques, ils pouvaient maintenant s'appuyer pour renier leur programme sur des choses qui les dépassent. Hein. Ils vont dire, bah là, c'est la mondialisation, c'est l'Europe, c'est les règlements, on peut pas faire comme on veut, et ainsi de suite. Hein, des choses qui sont loin de nous et sur lesquelles on n'a aucune prise. Mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, en fait, il faut se réapproprier notre souveraineté, hein, que ce soit à l'échelle d'une commune ou que ce soit à l'échelle... Mais déjà, commencer là où on est, la commune, c'est vraiment la base de la démocratie. Hein. C'est pas pour rien si justement toutes ces politiques depuis 25 ans cherchent petit à petit à dépouiller les communes de leur pouvoir, de leurs prérogatives, hein, avec les communautés de communes, avec des ensembles de plus en plus grands. Mais c'est destructif. Et complètement technocratique. C'est pas du tout constructif. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et nous, il faut qu'on se batte à un autre niveau pour. Et là, quelque part, avec ce qu'on fait, finalement, on redonne du pouvoir à la municipalité. Hein. C'est-à-dire que là, Madame le maire, la municipalité, on a l'impression qu'ils vont quand même un peu dans ce sens-là et on espère que ça va être durable et sincère, eh ben, ils pourraient profiter de notre mouvement pour justement s'appuyer sur cette énergie et donc exiger de la part des pouvoirs qui sont extérieurs, hein, le conseil départemental, le rectorat, tout ça, ça leur donne de l'énergie pour défendre un projet de revitalisation de ce petit territoire rural. Mais j'ai encore une question à poser. Je ne peux pas vraiment s'exprimer publiquement. prenant l'affaire des Uber Files, une enquête réalisée par un consortium de journalistes à partir d'une fuite massive de données internes. Des documents qui prouvent que Macron a été sinon l'allié, du moins le complice de Uber, alors qu'il était ministre de l'économie. Dans les deux années qui suivent son entrée au gouvernement, Emmanuel Macron ou les membres de son cabinet ont rencontré l'équipe de Uber au moins 14 fois. La première rencontre a lieu un mois après la nomination du ministre et lui permet de s'entretenir avec le fondateur californien de l'entreprise, Travis Kalanick. La conseillère d'Emmanuel Macron, Astrid Pagnossan, écrit le jour même au directeur d'Uber France. Pierre, transmettez nos remerciements à Travis. Comme évoqué, nous sommes intéressés par une note de synthèse qui résumerait vos attentes en matière de réglementation et votre potentiel d'emploi. Et dites-nous comment nous pourrions prochainement concrétiser un événement avec Emmanuel Macron et des candidats à Uber dans vos bureaux parisiens, ce qui pourrait offrir une image positive. Une petite parenthèse. Les fuites massives, c'est bien, mais ça peut avoir comme inconvénient de développer chez nous une attitude à la Saint Thomas, dans le style « ce qui n'a pas fuité n'existe pas ». En effet, avant même ce scandale des Uber Files, la députée européenne Leila Shaibi avait raconté aux médias comment la Macronie intriguait à Strasbourg pour saboter toute réglementation obligeant les plateformes à traiter leurs chauffeurs comme des salariés. Bien entendu, dans le pur intérêt de Uber et de ses semblables, mais un intérêt qui va au-delà des plateformes de VTC ou de livraison. Et ça, c'était... Alors au départ, je me demandais s'il était payé par Uber. Je ne pense pas, mais c'est vraiment idéologique, je pense, d'être au service des intérêts d'Uber parce qu'il a entrevu la possibilité qu'il y avait de casser toutes les protections, tout le salariat, de revenir sur des décennies de conquis sociaux. Pourquoi Macron, depuis le départ dans cette histoire, a mis un enthousiasme de dingue à défendre les intérêts d'Uber? C'est parce que si demain on légalise le fait que c'est possible partout en Europe d'avoir des gens sous vos ordres, sans avoir à assumer la contrepartie du fait d'avoir des gens sous vos ordres, qui est le contrat de travail. En fait, c'est toute l'histoire du salariat. Tout le salariat s'est construit à comment la contrepartie que je donne 8 heures par jour pour un patron, c'est que j'ai des droits, le droit du travail, ce qui fait que je suis pas un esclave. Si on annule ça, demain, je suis le patron de Carrefour. Pourquoi je m'embêterais à avoir des salariés si j'ai la possibilité d'avoir des gens avec ce statut d'ubérisé et qui fait que j'ai pas besoin d'assumer mes obligations. Disparition du salariat, tel qu'il s'est construit en Europe au fil des luttes et des victoires du monde du travail, mais peut-être aussi disparition des métiers, du concept de métier, avec ce qu'il comporte de temps de formation, de qualification, de spécialisation, et aussi de possibilités en matière de construction, de rapport de force avec un éventuel employeur. Des individus interchangeables, pilotés ou pas par des algorithmes, ça coûtera toujours moins cher que des professionnels reconnus comme tels par la société. À ce sujet, j'ai lu, et c'est a priori un peu surprenant, une belle analyse de la profondeur de champ de la fameuse ubérisation, c'est-à-dire du fameux rêve éveillé macronien, dans le journal La Droite Traditionnelle, Le Figaro, qui a publié un entretien avec un start-upper, Bruno Théboul. Tous les secteurs de l'économie sont concernés par l'ubérisation. La logistique, le transport, la mobilité, l'avocature, la médecine, les services, le commerce, etc. Pas un secteur n'est épargné par cette lame de fond, mis à part les industries lourdes. Cette lente et inexorable extinction du monde salarié à terme concerne non seulement des manutentionnaires d'entrepôts, des caissières de supermarchés ou des camionneurs, mais aussi des juristes, des notaires, des journalistes, des acteurs du monde médical. En effet, pourquoi faudrait-il utiliser des êtres humains pour des tâches facilement réductibles à des procédures formelles que les robots et les algorithmes accompliront demain avec bien plus d'efficience dans notre économie des data? Ce n'est donc pas si surprenant que Le Figaro et un représentant des CSP+ commencent à s'alarmer d'une sorte de tsunami qui finira par noyer une partie des classes aujourd'hui privilégiées, des métiers aujourd'hui réglementés et protégés. Et qui sait, peut-être que même les policiers, ces chouchous absolus des pouvoirs dans les pays où la classe moyenne se contracte structurellement, peut-être que même eux seront grands remplacés par des amateurs au statut intermédiaire qui seront, n'en doutons pas, augmentés par des technologies de surveillance qui feront une petite partie du boulot à leur place. D'ores et déjà, des réservistes de la police nationale font leur apparition en France. Alors vous nous faites découvrir ce dimanche une nouveauté, les réservistes de la police nationale. Il va aussi avoir droit, comme la gendarmerie ou les pompiers, à ses réservistes. Les toutes premières formations se sont terminées vendredi sur 33 sites, un peu partout en France. En tout, 700 citoyens ont appris à devenir policiers réservistes. Au total, ils tirent 200 cartouches pendant leur formation. C'est deux fois plus qu'un policier professionnel lors de son entraînement annuel. Stagiaire Khadija ressort de la salle de tir avec sa cible transpercée par plusieurs balles. Elle semble satisfaite. 13 impacts pour 14 tirs. Donc ça s'est plutôt bien passé. Le tir, c'est 50% de leur formation, car manier une arme, c'est une première pour la plupart de ces futurs réservistes, généralement étudiants, ingénieurs, ouvriers ou encore pompiers, âgés de 18 à 61 ans, et qui, une fois sur le terrain, seront tous armés. C'est charmant. On nous a longtemps expliqué que les violences policières étaient liées à un déficit de formation des agents. Et là, on est parti pour donner des armes à des personnes ayant été formées pendant 15 jours. Le truc est tellement gros qu'on se surprend à être d'accord avec Linda Kebab, la très caricaturale déléguée nationale de SVP-FO. Sachant que la formation d'un gardien de la paix dure 12 mois, en théorie et surtout en pratique, c'est extrêmement court. Apprendre à lutter contre une délinquance aussi diverse que celle à laquelle nous sommes confrontés en zone police, ça ne s'improvise pas en quelques jours. Même nos adjoints de sécurité ont droit à un apprentissage de 3 mois, ce qui est le minimum du minimum. Rien que pour le fait d'apprivoiser une arme, c'est insuffisant. Faire disparaître les métiers peut commencer par cesser de former, de bien former les futurs professionnels. La rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines. On parlera encore de pénurie d'enseignants, une pénurie fabriquée par la faible attractivité d'un secteur pourtant stratégique. Et au lieu de revaloriser le statut d'enseignant, on préférera crier « Tout le monde peut être enseignant !» On organisera de nouveaux job dating pour recruter des profs tout aussi instantanés que le Nescafé, même si les parents ne veulent pas. On manque de bras à l'hôpital, on en parlait dans le journal de 7 heures. On manque aussi de profs pour la rentrée prochaine. La rectrice de l'Académie de Versailles a donc lancé une vaste opération de recrutement à partir du 30 mai. Au programme, des courts entretiens avec des inspecteurs de l'éducation nationale pour accélérer la procédure de recrutement. Campagne qui ne rassure pas du tout les syndicats et encore moins les parents d'élèves. Romain Poiseau. Un entretien de 30 minutes, à l'issue duquel vous obtenez votre ticket pour devenir enseignant. L'idée ne rassure pas vraiment Pamela, dont la fille passe au collège en septembre prochain. La confier à des professeurs qui seraient susceptibles de pas être compétents, ça me fait vraiment peur. Surtout pour une rentrée en sixième, il y a une réelle inconscience en fait. Thomas a une fille qui n'a pas eu de professeur de langue pendant 6 mois cette année au collège. Il a du mal à croire qu'on puisse recruter un professeur après 30 minutes d'entretien. Ça fait très recrutement d'urgence parce qu'on est tellement en galère qu'on fait comme on peut. Des personnes qui ont des métiers qui n'ont absolument rien à voir avec l'éducation et gérer un groupe de 20 collégiens, on appréhende et pour eux et pour les élèves. La sixième puissance économique au monde renonce à former sérieusement des enseignants et des médecins aussi. Même au sortir d'un été terrible avec des services d'urgence paralysés en pleine canicule. Et c'est l'excellent Christophe Prudhomme qui en parle le mieux. Il faut former plus de médecins aujourd'hui, c'est ça. On a ouvert le numérus. Ah mais c'est le premier truc. Mais il faut le premier truc dans 10 ans qu'on va le voir. C'est un autre mensonge du gouvernement. Aujourd'hui, on va former un peu plus de 10 000 médecins qui arriveront en poste en 2030. 10 000 médecins, c'est ce qu'on formait dans les années 70. Attendez, il y a la population. Il n'y avait pas de problème dans les années 70. La population, oui, mais la population a augmenté, elle a vieilli. Bien entendu, ce qui se prépare pour les années qui viennent, c'est le règne de la télémédecine, d'une médecine contrôlée par les logiciels et les robots, d'une poignée de multinationales ayant besoin de quelques médecins data analystes et d'une armée de facilitateurs, accompagnateurs, téléopérateurs, recrutés en 5 minutes, formés en 1 heure pour des tâches qu'ils et elles exerceront quelques mois avant d'en trouver d'autres et puis d'autres. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait éruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol ? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose ? Non, à 80%. Voilà, les gars, et je vois sur les réseaux, c'est un truc de fou. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison ? Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera « Toujours debout ». Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout ! Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher. Très cher. On met un pognon dedans. Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits. Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés. Pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout. car c'est à vous que l'on doit la découverte de l'origine de l'homme, la date et le lieu de naissance de l'homme, les raisons de son émergence, bref, la biographie de l'homme, c'est Yves Coppens. Voici maintenant votre autobiographie, vos mémoires, 80 ans de souvenirs, de rencontres, de voyages, de succès, eh oui, racontés avec beaucoup d'esprit et d'humour dans ce livre intitulé « Origine de l'homme, origine d'un homme » et qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Alors, j'ai envie d'ouvrir votre livre, Yves Coppens, mais de ne pas suivre tout à fait la chronologie et d'aller directement à une date, l'année 1974. 1974, vous êtes dans le désert éthiopien. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert, comment vous avez fait cette découverte, qui est peut-être d'ailleurs l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle, puisqu'elle nous renseigne sur nos origines, mais aussi sur notre présent, Lucie. Alors, c'est une découverte qui a été importante à cette époque-là, oui. D'abord parce que cette petite Lucie, elle a quand même un peu plus de 3 millions d'années. Et 3 millions d'années, à cette époque de 1974, c'était un record. Donc, les records, ma foi, ils sont agréables à saisir. Et d'autre part, comme on avait 52 ossements, alors 52 ossements, vous voyez, on les voit, hein. C'est très peu 52 ossements. Oui, sur quoi 206. 206. Ah, vous savez ça, c'est bien. Ouais. Ben, j'ai lu. Oui, vous avez. Mais vous savez, ça arrive parfois. La radiographie. Ouais. Et donc, 52, c'est pas énorme, mais 52, comme vous savez, il y a des os pairs quand même. On a un virus de ce côté-là, on en a un autre de l'autre côté. Donc, quand on a un bout de ce côté-là, on peut fabriquer l'autre. Donc, ça nous a permis de reconstituer la silhouette de Lucie. Et ça, moi, je ne l'avais pas saisi encore. Je faisais des conférences avec un crâne dans une main, vous avez vu, oui. Et puis un caillou taillé dans l'autre. Et j'étais persuadé que les gens imaginaient tout de suite le bonhomme qui était là et puis la manière dont il taillait les outils. Et en fait, pas du tout. Il a fallu qu'on reconstitue le personnage pour que la silhouette fasse que les gens se représentait le personnage. Et quand vous dites qu'il a fallu qu'on reconstitue très clairement, comment fait-on pour, à partir de 52 ossements, reconstituer la morphologie, mais aussi la silhouette d'un personnage? Ben, 52, c'est beaucoup, parce que ça permettait d'abord de connaître à peu près la taille, ouais. Petite, hein, 1m10 peut-être. Ça permettait de connaître le poids estimé, 25 kilos. Ça permettait de connaître les articulations, donc la manière dont les membres pouvaient se mouvoir, et le fait de connaître les mouvements des membres, ça permettait de connaître aussi l'ambulation, la manière dont ce personnage marchait et en même temps grimpait. Il faisait les deux, hein. Lucie grimpait, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand elle marchait, je pouvais la suivre, quand elle grimpait, je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui se passe, attendez Yves Coppens, parce qu'on est dans un livre de mémoire que vous écrivez d'une plume assez alerte d'ailleurs, dans lequel vous racontez aussi ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que tout de suite on se dit ça y est, la découverte est de taille? Est-ce que ça vient plus tard? Qu'est-ce qui se passe quand on voit comme ça là dans le sable ces ossements? Écoutez, quand même on est professionnel, donc on reconnaît tout de suite qu'un ossement n'est pas un ossement de n'importe quelle bestiole, et que c'est vraiment un ossement d'un hominidé au sens large, c'est-à-dire quelqu'un de la famille, quoi. C'est au moins quelqu'un de la famille. Proche-là. Ouais. Donc après ça, on précise, mais je veux dire que tout de suite sur le terrain, on sait en gros à quoi on a affaire. Alors on ne mesure pas tout de suite l'ampleur de la découverte, mais moi, il m'est arrivé sur le terrain, faisant des découvertes, d'écrire le résultat sur le terrain et d'envoyer ce résultat à l'Académie des sciences du terrain même. Alors, je vous raconte ça parce que c'est très joli. C'était un jour, c'était pas dans l'est de l'Éthiopie, c'était dans le sud. Et je trouve des choses importantes. J'écris un papier et je confie ça à un des indigènes, nu, pour emporter le papier. Ouais. Il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas de poste. On rappelle qu'on est dans les années 1970, pour les plus jeunes, ceux qui nous regardent. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'appuie pas sur un bidule automatique pour envoyer un SMS. Donc, ce monsieur, il arrache une petite branche à un arbre, il fait une petite encoche, il met ma lettre, mon document qui partait à Paris, et puis il s'en va en le portant haut comme ça, parce que comme il y avait des hautes herbes, il voulait l'emporter intact. Et je l'ai vu disparaître alors que ma lettre continuait encore apparaître comme ça en haut des herbes. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai demandé à l'Académie des sciences de me montrer où étaient les plis cachetés, puisque c'est envoyé sous plis cachetés. Ce n'est ouvert qu'à un certain temps après la découverte. Et mon pli était bel et bien arrivé, un peu plein de poussière, mais bien arrivé. C'est étonnant quand même. Ce n'est pas la seule chose étonnante, hein, d'ailleurs. Si elle s'appelle Lucie, c'est à cause de cette chanson. Ah oui, c'est psychédélique, hein, les recherches dans le désert. Ben, oui, on n'était pas très à jour quand même. C'était en 74. Oui. Et je crois que cette chanson date de 67. C'est alors, ça. Oui, on était pas Sergeant Pepper. Pas tout à fait au fait, oui, c'est ça, oui. Je n'aurais pas osé vous l'interpréter. Et un jour, cependant, j'étais en Californie et je reçois on reçoit des coups de téléphone des chercheurs et moi-même au sujet d'une autre découverte qui avait été faite. Donc on devait s'exprimer. Donc je prends le téléphone à mon tour et le type, la personne au bout du fil me dit « Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça vous évoque ?» Donc je raconte. Et puis au bout d'un certain temps, il me dit « Vous pouvez chanter vous-même ?» Je dis « Non, je chante très mal. »« Si, il me dit « Allez-y. » Donc je chante et il me dit « Vous étiez en direct sur Radio Toronto. » On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Hein. C'est pour ça que je ne vous le ferai pas, là, ce soir. Oui, bah, de toute façon. Alors, je vais vous en faire d'autres, rassurez-vous. Faites-moi confiance. Par exemple, page 225, après nous avoir raconté avec... c'est un petit peu un polar aussi. Essayer de comprendre ce que l'on a. Finalement, on a un cadavre. Il va falloir expliquer qui il est, d'où il vient, ce qu'il est pour nous. Et vous nous dites, page 225, qu'en réalité... Beaucoup de médias ont considéré Lucie comme le plus ancien ancêtre. Ça n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Comment ça, c'est pas notre plus ancien ancêtre ? En 1974, je vous l'ai dit d'ailleurs, mais un peu à tort, qu'à ce moment-là, on pensait, enfin, la majorité des collègues et le public pensaient que c'était le plus vieux squelette d'hominidés de notre famille que l'on connaissait. Ça avait cette allure-là, mais moi, je savais très bien qu'une dent, une petite dent supérieure, une molaire supérieure, avait été découverte dans un site du Kenya qui s'appelait Lukeino. Et cette petite dent avait été considérée comme peut-être humaine, mais peut-être pas. Moi, j'étais sûr qu'elle l'était. Sûr, on ne peut pas être sûr en science, hein, mais à peu près sûr. Et celle-là avait le double. Elle avait 6 millions d'années. Donc pas 3 200 000 ans, mais 6 millions d'années. Donc je savais qu'il y avait au moins le double de Lucie qui existait quelque part et qu'un jour, peut-être, on en saurait plus. Et un jour, en effet, on en a su plus et c'était une réalité. Alors, il y a quand même une chose qui me frappe et qui me trouble dans vos mémoires, Yves Copins. Vous êtes un scientifique, c'est-à-dire que vous allez vérifier, vous attendez des preuves. Or, à plusieurs reprises, vous avez des intuitions. Des intuitions un peu fulgurantes, déjà quand vous êtes enfant, à Vannes, puis un petit peu plus tard, avec cette affaire Lucie. Et c'est comme si les intuitions étaient plus fortes que les preuves. Qu'est-ce que c'est la science, finalement ? Ce sont des hypothèses ou ce sont des preuves ? C'est de l'imagination, c'est de la raison. Oui, ce sont les deux. Enfin, ça commence forcément par l'imaginaire, l'intuition dont vous parlez. Et cet imaginaire, il ne suffit pas parce que... La science a besoin de démonstrations. Donc, vous proposez votre hypothèse ou bien vous récupérez vous-même votre hypothèse et vous tentez de la tester. Et une fois qu'elle est testée, elle est démontrée. Et à ce moment-là, elle entre dans la science officielle. Mmh. Autrement, ça reste de l'imaginaire et de l'imagination. Mais c'est extrêmement important de commencer par une idée et de tenter de voir si cette idée fonctionne. Évidemment, il ne faut pas forcer la science, il ne faut pas forcer l'idée pour que ça marche. On ne peut pas être scientifique et malhonnête, ce n'est pas possible. Oui, mais il faut être un petit peu imaginatif. On a parlé des origines de l'homme. Oui. Moi, je voudrais revenir aux origines d'un homme, vous. Alors ça, c'est passionnant, car nous voici dans la France d'avant Seconde Guerre mondiale, pas très longtemps avant, avec un garçon qui, avant de s'intéresser... à Néandertal, et puis avant de s'intéresser, bien évidemment, à Lucie, va prendre en grippe un personnage historique, et pas le moindre, Jules César. Ah, oui. Pouvez-vous nous raconter, Yves Copins, comment et pourquoi votre vocation d'historien assez précoce naît avec la détestation de Jules César. Oui, elle ne naît pas avec cela, mais c'est vrai que ça m'a pris très tôt parce que j'ai fait du latin très tôt. J'ai fait du latin comme tout le monde à cette époque, comme beaucoup de gens à cette époque, dès la sixième. Et j'en ai fait d'ailleurs pendant les 7 années de secondaire. Et apprenant le latin, on m'a très vite appris que Jules César avait conquis les Gaules. Ce n'est pas la Gaule, mais les Gaules. Et parmi les Gaules, cette région du Morbihan dans laquelle je me trouvais, et qu'il avait battu les Vénètes, donc les habitants de cette région-là, sur mer. Alors qu'un Romain vienne battre des marins par excellence sur la petite mer, le Morbihan, la petite mer sous notre nez, ça me paraissait insensé, incroyable. Et je me dis, ce type doit être un menteur effréné. Et, César, hein. C'est menteur, oui. Oui, Jules. Jules lui-même. Et donc, de façon un peu forcée, enfin un peu provocante, j'ai recopié moi-même le livre de César qui s'appelait le De Bello Gallico, ou en tout cas toute la partie... La guerre des Gaules. La guerre des Gaules, oui. Toute cette partie... Oui, pardon de parler latin. Non, mais vous faites bien. Toute cette partie concernant la bataille de Jules César dans le Morbihan, pour la retroduire moi-même. Et ma nouvelle traduction m'a montré en effet que Jules César était un général qui s'était un peu vanté et que les choses n'avaient pas dû se passer comme il les racontait. Quoi. Ça, c'est intéressant. En tout cas, pas aussi facilement. Ça, c'est un point intéressant. On en parlera tout à l'heure sans doute avec l'historien Yvan Jablonka, mais on peut s'amuser aussi à réécrire l'histoire, à la falsifier parfois. Qui est M. Mammouth ? Moi. Monsieur Mammouth. Ben oui, si vous voulez que j'y fasse. Il s'est trouvé qu'après avoir travaillé avec Jules César, avec Jules César d'ailleurs, parce que l'histoire des Romains m'a plu, et puis j'ai travaillé aussi sur le terrain, sur des sites romains. Mais donc je me suis retrouvé à chercher un sujet de thèse et que je voulais faire sur la paléontologie humaine. J'ai toujours été intéressé par les humains d'abord. Et demandant cela à la Sorbonne, le patron de la Sorbonne que j'ai rencontré, en gros m'a dit, mon petit bonhomme, enfin il m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit, la paléontologie humaine c'est fait pour les grands, à peu près comme ça. Et donc vous allez commencer par travailler sur des animaux. Et il m'a donné le choix entre des tout petits, les rongeurs, ou des tout grands, les éléphants. À l'époque, il faut rappeler qu'on ne sait pas grand-chose, hein. On n'a pas encore remonté un mammouth. Je pense que ça avait dû être fait en Russie, ici. En Russie, pas à Paris. Ah non, pas à Paris, mais j'ai dû être précédé par les Russes, que si vous voulez que j'y fasse. Et donc, entre les petits et les gros, j'ai pris les gros. Et donc, je me suis intéressé aux animaux à trompe. Et parmi les animaux à trompe, bien sûr, surtout les animaux à trompe préhistoriques, il y a les mastodontes, les stégodontes, etc., etc., et les mammouths. Et étant affecté... D'abord à la Sorbonne, ensuite au Jardin des Plantes, dans les sous-sols de l'Institut de paléontologie. Nous avons, mon patron et moi-même, retrouvé des caisses qui portaient encore des inscriptions russes qui avaient été offertes au Muséum national d'histoire naturelle de Paris en 1912. Et nous étions en 1956. Et ces caisses étaient là, les ossements étaient dedans, il y avait encore des morceaux de peau et de poils qui suintait la graisse. Et c'était un mammouth. C'était un mammouth qui était arrivé en 1912, offert par les Russes, et qui venait d'une des îles de l'océan glacial arctique, c'est-à-dire une des îles de la Sibérie. Et que vous remontez presque intégralement. Il y a des choses très drôles. Du télégramme qui vous est envoyé. Vous partez en vacances chez vous, tranquillement. Et puis on vous envoie un télégramme laconique qui dit quoi ? Éléphant mort, venir d'urgence. Oui. Voilà, très bien. Comme quoi, depuis le texto, on n'a vraiment pas fait beaucoup de progrès. Et c'était dû à un monsieur très sérieux, hein, qui s'appelait Jacques Millot, et qui m'a envoyé ce télégramme de façon extrêmement sérieuse. Et c'est parce qu'un éléphant était morte, puisque c'était une éléphante, au zoo de Vincennes. Et cette éléphante était une éléphante d'Asie. Ce n'était pas un mammouth, forcément. Hein. Les mammouths ne sont plus vivants. Et cette éléphante était arrivée au laboratoire d'anatomie comparée du Muséum national d'histoire naturelle. Et ce monsieur me proposait de disséquer cette éléphante, qui s'appelait Micheline. Donc j'ai ouais, l'éléphant s'appelait Micheline. Cet éléphant, oui, s'appelait Micheline. Ah, oui. Oui. Ah ben, il y a beaucoup de femmes dans ma vie, vous voyez. Oui, Lucie, Micheline, Lucie, oui. C'est bien. Alors, dans ce livre de mémoire, Yves Coppens... Là, j'ai découpé en morceaux. Oui, pardon. Dans ce livre de mémoire, vous racontez les mémoires d'un savant, mais... chose qui m'a beaucoup touché, c'est que vous, dans la dernière partie, vous fendez l'armure du scientifique. Vous racontez ce qu'a été devenir père à 60 ans. Ce sujet, la paternité, vous le verrez, c'est un peu le trait d'union aussi de cette histoire. On en parlera avec Jérôme Garcin, avec Colombe Schneck, avec Frédéric Becbédé. Qu'est-ce que cette différence d'âge, vous qui travaillez sur les temps et sur l'âge, change à la perception de la paternité? Bah écoutez, je n'en sais rien, parce que ça se vit, comme je le dis tout à fait au début de ce petit chapitre. J'ai osé ce petit chapitre vraiment injecter au milieu du récit, parce que c'était une période importante de mon existence, et un événement extrêmement important aussi de ma vie. Et ce petit personnage, ce petit squelette, très emballé celui-là, très enveloppé, que j'ai appelé Quentin, je lui ai raconté, mais c'est pas tout à fait vrai, que c'était mon cinquième squelette, mon cinquième hominidé dans ma carrière, a été un événement extrêmement important, une période très importante de mon existence, qui se poursuit d'ailleurs. Ce garçon a 22 ans aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai eu ce souhait de présenter discrètement, parce que j'aime pas beaucoup ça, mais ce moment d'émotion, qui a été tout à fait réel. Je lui ai lu d'ailleurs le chapitre avant d'oser le faire éditer, et il a été d'accord. Il m'a donné son imprimante. Vous voulez dire que s'il l'avait lu et qu'il vous avait dit non, je ne le souhaite pas, vous ne l'auriez pas publié? Non, je l'aurais pas fait. Non. Vous n'avez pas les scrupules de certains écrivains qui, eux, au contraire, disent je publie quoi qu'il en soit? Non, je l'aurais pas fait. Oui. Il y a énormément de choses dans ce livre, Origine de l'homme et Origine d'un homme, les mémoires d'Yves Coppens aux éditions Odile Jacob. Thank you. Bon, à vous, la terre est plate. Eh ben à vous, non, à vous. Mais si, eh ben non, mais j'ai vu qu'il y a un mec, ils l'ont déclaré récemment. Il y a vu un mec qui veut faire une mission, qui construit une fusée dans son jardin pour aller dans l'espace, pour prouver que la Terre est plate. Mais moi, je dis, ben ouais, vas-y, mec, on va bien voir. Tout à l'heure, avec Jamel, on parlait des divisions qui malheureusement touchent en ce moment les Français par rapport aux histoires d'identité. Quand on a vu la Terre d'en haut, est-ce que le vrai problème de l'humanité, c'est pas la pure et simple disparition de la planète? Ouais, ce problème, il n'est pas beaucoup plus grave que nos histoires de d'où tu viens. Ah, mais c'est certain. Mais quand tu vois la planète depuis l'orbite basse ou depuis encore plus loin, peut-être dans le futur, on aura cette vue-là. Écoute, il y a des choses qui deviennent vraiment ridicules. Moi, j'essayais de prendre des photos. J'avais la carte là et je regardais. Et tu vois, pour se repérer par rapport aux grosses lignes rouges qui délimitent les pays, ben ça, en vrai, je peux dire qu'elles n'existent pas. Les grosses lignes rouges, c'est vraiment des constructions de l'esprit. Tout est pareil. Il y a la même chose. Tu vois la nature. Tu vois, je veux dire, les nuages s'arrêtent pas aux frontières, des trucs comme ça. Donc, ça te fait vraiment réfléchir. Tu dis, mais attends, tout ça, c'est quand même de la blague. Au final, on est tous embarqués sur le même bateau. Hein. On est sur un gros bateau, 7 milliards sur le même bateau, à travers le cosmos. Autour, il n'y a rien, ça, je peux te le dire, parce que je l'ai vu. Autour, il n'y a pas de vie du tout. C'est le seul petit radeau de sauvetage qui est un peu gros. C'est sûr, c'est une planète, mais c'est quand même pas grand-chose. Et puis, si on endommage trop celui-là, je te promets qu'il n'y en a pas d'autre. Jamel, est-ce que tu as lu l'appel des 15 000 scientifiques ? J'ai lu l'appel des 15 000 scientifiques, oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet appel? Comment est-ce qu'on peut le résumer? On voit que j'ai pas lu. Tu l'as bien fait. C'est parce que je suis comédien. Oui, j'ai lu l'appel des 15 000. Je t'ai protégé amicalement, j'ai dit. Et t'as enchaîné. Voilà, j'ai enchaîné. Et moi, tu me demandes pas si j'ai lu. Mais il dit quelque part que plus on attend, plus il est trop tard. Enfin, un peu bête de le dire comme ça, mais c'est ça qu'ils disent. Qu'il y a urgence à agir. Que on parle d'une espérance de vie de 80 année pour la planète Terre. Ouais, c'est possible. Alors, c'est dans les scénarios les pires. Évidemment, tout ça, c'est dans des fourchettes. Parce que 80 années, ça veut dire que si, par exemple, je suis grand-père, mes petits-enfants assisteront à la disparition de la Terre. Ouais, mais c'est... Alors, encore une fois, ça, c'est un scénario un peu pessimiste. Il y en a d'autres. Mais c'est du vrai. Tu vois, chaque génération, moi, je pense, a quelque part un peu sa grande tâche. La génération de nos parents, ils ont fait la paix en Europe. Tu vois, après la guerre, ou avec les colonies, tu vois, des choses comme ça. C'était pas facile, c'était compliqué, mais ils l'ont fait. Et puis ça marche bien aujourd'hui, tu vois. Bon, bah, on a l'Europe, c'est super. Et puis on se pose plus la question. Il y aura plus jamais. Enfin, on pense la guerre en France, en Europe, en Italie, en Allemagne, c'est bien. Bah, nous, notre boulot à nous, c'est de sauver la planète. Voilà, c'est ambitieux aussi, mais on peut pas dire, oh non, c'est pas grave, on le fera demain, ou alors c'est ceux d'après qu'ils feront. Non, non, de la même manière qu'eux, ils n'ont pas tellement eu le choix, quoi. Et quand on vous entend, on a envie de se dire Thomas Pesquet va faire de la politique. mais vous avez déclaré que vous avez envie d'y retourner. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque dans l'espace ? Waouh, il y a plein de choses. J'avais posé cette question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux demander ? Mais tu voles, déjà tu voles, frère. T'es sacope. T'es léger comme une plume. Il y a rien. Il y a rien qui a prise sur toi. Moi, j'ai une question vraiment. Tu sais ce qui se passe? Parce que, frère, moi, j'ai toujours rêvé d'être astronaute. Non, moi, j'ai des vraies questions intelligentes. Tu veux les entendre? Je t'écoute. Comment on fait pipi? Parce que c'est sûr qu'il y a un souci, tu vois. Non, mais on a des systèmes, attends, c'est la technologie qui... Comment ça marche par aspiration, en fait. Jamais posé la vraie question. C'est une espèce de ventilateur. La vraie question. Ouais, la vraie question. Parce que ça, c'est pas la vraie question. Non, parle de la taille. T'as gagné 3 cm? De taille. Comment on fait? Comment c'est possible? Il y a moyen de... C'est la colonne vertébrale qui s'allonge. Non, mais c'est hyper bien. Moi, je voulais jouer au basket, j'étais super content. Mais quand tu reviens sur Terre, tu les perds, malheureusement. Je me suis recompris. Raptis? C'est temporaire, ouais. Ouais. Et alors attends, un truc. Parce que Jamel était prêt à aller dans l'espace pour grandir. La nuit, si tu restes allongé longtemps, ta colonne vertébrale, c'est pareil, elle se détend, elle s'allonge, tu grandis. Plus tu restes allongé longtemps, plus tu grandis. Si tu te mesures le matin, tu fais 1 cm, peut-être fois 2 cm de plus que si tu te mesures le soir. Sérieux? Tu sors du lit, paf, tu te mesures. Mais je vais vivre ça comme moi. J'avais, hop, c'est vrai? Mais oui. Et là où t'as gagné 3 cm, ouais. Combien de temps? C'est tout au début, en fait. Au début, t'as parfois un peu mal au dos parce que t'as la colonne vertébrale, elle fait clic, clic, clic, clic, clic, clic. Ça dure, allez, 3 semaines. En 3 semaines, tu prends 3 cm. 3 semaines, 3 cm. Après, c'est mieux que les spams qu'on reçoit. C'est pas les mêmes. C'est un vrai problème. Calculer les combis, elles sont sur mesure, les scaphandres, donc faut prendre en compte tout ça, évidemment, parce que c'est au millimètre près, tout ça. Donc il n'y a pas de place pour l'improvisation quand on est dans l'espace. Non. Et dernière question. Bon, à vous. La Terre est plate. à vous. Tu vois. Mais si, mais j'ai vu qu'il y a un mec. Ils l'ont déclaré récemment. Il y a un mec qui veut faire une mission, qui construit une fusée dans son jardin pour aller dans l'espace, pour prouver que la Terre est plate. Mais moi, je dis, ben ouais, vas-y, mec, on va bien voir. Mais non, elle est pas plate. Moi, je l'ai vu. J'ai fait des photos. Après, je sais pas ce qu'il leur faut aux gens parce que moi, j'y étais. Je l'ai vu. Bon, ils sont pas obligés de me croire. C'est incroyable cette polémique. Hein. Dingue. Depuis plus de 40 ans, il explore le monde et nous fait découvrir les contrées les plus reculées de la planète. C'est d'abord en tant que médecin qu'il a commencé ses expéditions, parce que c'est d'abord sous l'aspect médical qu'il a voulu observer l'humain dans des conditions extrêmes. Et tout ça l'a emmené partout, surtout là où le corps est mis à rude épreuve. Tenez, en 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord seul, en se dirigeant seulement grâce au soleil. Mais au-delà de l'expertise scientifique et technique dont il est doté, évidemment, il faut quand même un sacré courage pour entreprendre des explorations aussi folles. Est-il d'ailleurs un peu fou? On va lui poser la question. Bienvenue dans un monde, un regard. Bienvenue Jean-Louis Etienne, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur d'Explorateur d'océan. Est-ce que vous êtes un peu fou? Ah, pas du tout. Pas du tout. Au sens fou, il y a toujours de la raison dans les expéditions. Il y a bien sûr quelque chose qui ne paraît pas raisonnable au commun des mortels, mais ça fait partie de mon chemin, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, quand il y a une zone difficile d'accès, mettre en place les moyens qu'il faut pour y aller, éventuellement entraîner une population de scientifiques qui s'intéressent à ce secteur-là. Mais c'est très structurant d'aller dans les endroits difficiles. D'accord, mais vous l'avez dit, il y a le commun des mortels et puis il y a quand même les gens comme vous qui paraissent un peu fous pour nous, les simples. Oui, ça peut paraître fou, effectivement, mais sincèrement, ça demande une préparation. Bon, il y a eu l'expédition que vous évoquez, le pôle Nord en 86, solitaire au pôle Nord, c'était avant le GPS, avant le téléphone, donc c'est une immersion intense, quoi. Il y avait une part de folie, en même temps une ultra raison de manière à pouvoir résister à cet engagement qui était démesuré. Et après, je fais un travail de chef d'entreprise d'expédition lointaine. Vous voyez, une expédition, c'est une entreprise. Quand vous amenez des gens, il faut structurer tout ça, quoi. Et c'est pas fou du tout. C'est très organisé, j'imagine. Oui, c'est méthodique. Oui. C'est un travail incroyable de plusieurs années. Ben, c'est une expédition, c'est un peu comme si j'amenais une table de mixage. Vous voyez, une table de mixage où on doit faire tout avancer en même temps, et ça va de la construction que l'on doit faire, la recherche de financement, l'aspect juridique, l'aspect financier, l'équipe, gérer une équipe, etc. Et c'est ce qu'il faut faire avancer conjointement. Des fois, ça dure 2-3 ans. La prochaine, ça fait 10 ans que je travaille dessus. Donc, c'est vraiment un engagement sur la durée. Pour réduire le risque au maximum, j'imagine aussi. Réduire le risque, et puis les choses sont pas tout le temps faciles. Là, je viens de traverser ce que j'ai appelé un rodéo politico-administratif pour arriver à construire le prochain projet. Je vous en parlerai. Bien sûr, on en parle. Et donc, y a des choses qui me dépassent, l'administratif. Moi, je suis complètement dépassé par le côté administratif. Mmh. Tellement on invente des choses complexes pour arriver à... En France en particulier? Oh, je travaille surtout en France, oui, bien sûr. Donc c'est l'administratif français l'administration française qui a un problème? C'est pas l'administration qui a un problème, c'est fréquenter l'administration que ça pose des problèmes. Alors, on va revenir un peu sur votre parcours personnel, parce qu'a priori, rien sur le papier ne vous prédestinait à l'exploration. Comment le fils de tailleur d'habits, je ne me trompe pas, vit à Castres, qui fait du rugby, en arrive à l'aventure extrême? Comment? D'abord, j'avais pas les notes pour entrer en sixième, vous voyez, donc j'ai fait le certificat d'études, qui était un diplôme minimal. Et après quoi, on faisait une formation professionnelle. Alors, on allait soit au collège technique. Il y avait un concours. Alors, soit on était élu pour le collège technique, soit on allait en formation professionnelle, en apprentissage. Donc, j'étais au collège technique. Moi, je voulais faire menuisier. J'ai toujours aimé le bois. Même encore, j'aime travailler le bois. Et au collège technique de Mazamet, dans le Tarn, quand je me présente, il n'y avait plus de place en menuiserie. Donc, on m'a mis ajustage sur métaux. Et donc, j'ai fait un CAP de tourneur-fraiseur. Je suis un ambassadeur de la formation professionnelle, vous voyez. J'ai connu l'éveil de l'intérêt pour l'apprentissage, à travers cette formation professionnelle. J'avais 13 ans et demi, on avait 14 heures par semaine, on faisait 16 heures d'atelier, de la technologie de construction, technologie des matériaux. J'ai découvert les mathématiques, et après le CAP, la prof de maths, Madame Pujol, inoubliable pour moi, elle dit, ce garçon, il faudrait l'orienter vers le bac. Et donc, je suis rentré en seconde d'un bac technique qui venait d'être créé, si vous voulez. Et le bac, c'était quelque chose que je n'avais pas imaginé. Qu'est-ce que je vais faire avec le bac, vous voyez? Et j'ai fait médecine. J'ai eu une bourse. Et donc, je me suis lancé dans des études de médecine. Je reste un peu là-dessus, parce que c'est fort ce que vous dites pour les jeunes qui nous écoutent, ou les parents des jeunes potentiellement en difficulté. Oui. Vous nous dites que vous n'aviez pas les notes pour rentrer en sixième, mais qu'on vous a orienté vers une formation professionnelle qui a eu du sens pour vous. Mais naturellement, vous voyez, Dans le, c'est pas très loin du Sénat d'ailleurs, dans le quartier, il y a un lycée professionnel. Et je passais là, à midi, les élèves sortaient, et il y en a un qui dit à l'autre, t'es dans quoi toi? Il lui répond, je suis en pâtisserie, putain c'est génial. Et dans le putain c'est génial, vous comprenez, il avait mis la machine en route. Parce qu'un enfant qui a 13 ans, qui est en troisième, qui trouve pas sa place dans le cursus scolaire, il a quand même de l'énergie, c'est pas un couillon, mais il faut le réveiller, quoi, voyez. Et donc le parcours professionnel est un parcours de reprise de confiance qui est très développé dans d'autres pays que le nôtre, en Suisse, en Allemagne par exemple, c'est commun. Nous, c'est un parcours d'échec, alors que ça doit être un parcours d'un nouvel éveil. Alors effectivement, vous allez finalement vous tourner vers la médecine, oui. Qui va effectivement vous amener à l'exploration, et j'ai lu que vous vouliez connaître le degré de résistance du corps humain dans des conditions extrêmes. 40 ans après, vous en savez plus sur le degré de résistance du corps humain dans des conditions extrêmes. On a des capacités d'adaptation, une malléabilité, si vous voulez, à la situation physiologique d'abord. Vous voyez, quand on monte en altitude, la pression d'oxygène se raréfie, et donc quand on fait de l'alpinisme en haute altitude, on a le corps qui s'adapte à cette baisse de pression. Une multitude de petites choses qui s'adaptent de manière à pouvoir bénéficier de cette chute de pression pour alimenter le corps. Et au froid, c'est pareil. Mais ça, je l'ai découvert. Vous voyez, je suis resté 63 jours au froid, en allant au pôle Nord, puis température négative, de moins 52 à moins 18, quoi, hein, à l'arrivée. La température de mon corps à l'arrivée était à 35,5. Vous voyez, le corps... De l'hypothermie, on est en hypothermie, là. Non, on est si on me met aujourd'hui, ou si on nous met aujourd'hui à 35,5, on est en hypothermie. Ouais. Mais sur 2 mois, le corps avait fait des adaptations de manière à... Il est intelligent, le corps. Au lieu de demander de la nourriture, de se couvrir pour rester à 37, c'est chaud, 37, vous savez, c'est très chaud. Mmh. Et pour rester à 37, ça demande beaucoup d'alimentation, se couvrir. Eh bien, le corps, il a eu cette intelligence de baisser le thermostat. Et 35,5, c'est une économie d'énergie considérable, vous voyez. Donc, on a des capacités d'adaptation. Alors là, c'est la vision du médecin et l'exploration. Pourquoi vous y venez? Est-ce que, adolescent, vous rêviez parce qu'il y avait des explorateurs qui vous faisaient rêver? Est-ce que quelqu'un vous a donné envie? Pas dans la famille, non, mais je suis né dans un village, j'habitais dans un village de 800 habitants, derrière chez nous il y avait les champs, vous voyez, donc je vivais dehors. Moi, j'aimais vivre dehors, j'aimais la nature, j'étais très timide et la nature était un refuge pour moi, dans lequel je trouvais de quoi satisfaire ma curiosité, vous voyez. Un peu intrépide aussi, parce que pour monter chercher les pies au mois de mai, par là, quand elles commencent avant qu'elles s'envolent du nid, j'avais des oiseaux apprivoisés, vous voyez, je vivais beaucoup avec la nature. Et à 14 ans, j'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. À 14 ans, je me dis, moi, enfin, maintenant, je me dis, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce gamin de 14 ans, en hiver et seul, vous voyez, c'était... On se pose vraiment la question quand on lit votre... J'avais écrit au maire de Gavarni, c'est un village qui est dans les Pyrénées, et il m'avait répondu en disant, d'abord, faites un métier, puis revenez me voir, quoi. Donc, la notion d'expédition me plaisait depuis tout petit. Mais il y avait des explorateurs qui vous faisaient rêver ou pas? Oui, si les montagnards. C'était surtout les montagnards. Walter Bonatti, Lionel Terré, ce sont des anciens alpinistes qui m'ont vraiment, vraiment fait rêver. Je me projetais dans ça. Et donc, j'ai fait des études de médecine. Après, j'ai passé un internat en chirurgie. J'étais interne en chirurgie, en orthopédie. On y viendra. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est peut-être le moment de proposer mes services de médecin, vous voyez, pour faire des expéditions. J'en avais tellement rêvé petit. Je dis, je vais faire une parenthèse. Et c'est comme ça que j'ai proposé mes services de médecin. À qui? À Éric Tabarly. Et oui, fait la course. Parlons-en d'Éric Tabarly. Ah oui. Éric Tabarly, je l'ai rencontré à l'aéroport à Rio. Je rentrais du Fitzroy. C'est une montagne magnifique en Patagonie. Et lui, il était là, un escale d'une course au large. Je me suis approché de lui et je dis, si vous cherchez un... D'abord, il m'a regardé comme ça. Éric, il était... Tout le monde voulait embarquer avec Éric Tabarly. Donc, il se protégeait un peu des sollicitations. Il me regarde, il me dit, Non, je suis pas de la course, je suis alpiniste. Ah bon, alpiniste. Donc ça l'a intéressé, j'ai pu discuter avec lui. Je suis médecin. Si vous voulez un médecin pour la prochaine course autour du monde, ça me ferait... Je suis sportif, je peux rendre des services. Et je lui ai envoyé un petit mot. Non, je lui ai donné mon adresse, il m'a envoyé une lettre que j'ai toujours. Et il vous a appris des choses, Éric Tabarly? Éric Tabarly, c'était quelqu'un qui dirigeait par le silence. Il était indiscutable dans sa décision, vous voyez. Et mon chef de quart, c'était Philippe Poupon, un grand marin. Et donc, Philou allait voir Éric en disant, ça fraîchit, faudrait peut-être Éric monter, regarder. Puis disait quelque chose que celui qui était, on va prendre un riz, par exemple, c'était pas du style, on prend un riz, tout le monde machin et tout. Vous voyez, c'était, on va prendre un riz. Donc, celui qui l'avait entendu gueuler à tout le monde, on prend un riz. Et Éric, était présent comme ça, dans le silence. Non, c'était... Et en plus, une tolérance, parce que lui, il avait 47 ans et l'équipage avait 24 ans de moyenne d'âge. Vous voyez, ça aurait pu être ses enfants. Il avait une tolérance par rapport à cette... Et aujourd'hui, vous embarqueriez avec qui? Est-ce qu'un explorateur vous fait rêver? Est-ce qu'il y en a un qui vous vient? Alors, ça, c'est pas du tout la même chose, mais je pense en vous posant la question à Thomas Pesquet, par exemple, qui est devenu celui qui fait rêver. Alors, c'est une autre forme d'exploration, c'est l'exploration de l'espace. Oui, mais j'avais posé ma candidature en 1983. Donc, j'ai même les résultats. J'avais été dans la première série d'admissibles. Et il m'a manqué une chose, c'était d'avoir fait une publication scientifique. Moi, j'avais donc, comme je vous l'ai dit, un CAP de tournefraison, donc je suis manuel, moi. Et donc, j'expliquais donc, dans la lettre de motivation qu'il valait mieux là-haut un bon bricoleur, si vous voulez, qu'un cerveau qui a fait des communications scientifiques. Mmh. Ça avait peut-être plu, je ne sais pas. Mais ça m'aurait plu, effectivement. Mais aujourd'hui, je suis capable de faire un voyage dans l'espace sans y aller. Quoi. Il vous fait rêver, Thomas Pesquet, ou pas? Oui, bien sûr, j'aurais aimé, c'est pas Thomas Pesquet qui me fait rêver, c'est d'être dans la station spatiale qui m'aurait plu, de voir la Terre de là-haut. Mmh. Alors des fois, je me console, je me dis, bon, ils sont quand même qu'à 400 km, c'est pas très très loin, ils sont comme ça. Mais je trouve ça formidable, la technologie est intéressante. Dans ces expéditions, vous vous rendez compte tout de suite que c'est fait pour vous, que vous allez y consacrer toute votre vie ou pas? À un certain moment, donc j'ai fait pendant 12 ans des expéditions. Vous voyez, dans des grands Himalaya, face nord de l'Everest, Tabari, etc. Beaucoup. Et j'étais à la face nord de l'Everest, j'étais au camp 2, j'étais médecin, il y avait trois qui étaient en difficulté à 8000 mètres d'altitude, donc j'étais monté au camp 2, j'étais seul là, sur une arête à l'abri des avalanches, c'était bien. Et à un moment donné, je me dis, mais maintenant, je vais avoir 40 ans bientôt, il faut que je fasse la mienne. Mon expédition pour clôturer cette vie d'aventure. Et ça a été le pôle Nord en solitaire que j'ai fait. Et ça a été extrêmement structurant pour moi. J'ai résisté aux tentations de l'abandon, quasi tout le temps au début, parce que c'est dur, quoi. Vous avez failli mourir, vous vous êtes senti en danger? Certainement, oui. J'ai eu de la chance. Mais sur plusieurs expéditions, plusieurs fois, j'ai eu de la chance. Avalanche en Himalaya, où on sort juste avant la coulée qui descend sur vous, au pôle Nord, passer sur une glace très fine. Et là, si vous passez à l'eau à travers une glace fine, vous êtes sûr de ne pas pouvoir remonter. J'ai eu des frayeurs comme ça. Mais ce qui m'a structuré, donc, comme je vous le dis, il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone. Donc c'est une immersion dans son rêve. Et dont le rêve, il est fragile quand on est confronté à des conditions aussi difficiles et à l'isolement. Et donc j'ai résisté à la tentation de l'abandon qui me guettait tout le temps, quoi, parce que je progressais lentement. Et en fait, il m'a fallu un mois pour oublier, je dirais, être en apesanteur du monde, vous voyez, être dans mon histoire. Et je suis arrivé au pôle Nord, il n'y a rien au pôle Nord. C'est une rencontre au milieu d'un océan, vous voyez, parce que la banquise bouge sans arrêt. Et là, je me suis dit, j'étais tellement libéré, tellement heureux, libéré. Libéré de quoi? Mais de ce projet qui m'avait attiré. J'ai échoué en 85, j'ai réussi en 86. Donc, j'ai ce sentiment que ma vie devait passer à travers le pôle Nord. Et donc, je me suis dit, mais ça va être ma vie. Vous voyez, j'étais revenu costaud sur cette capacité que j'avais. J'allais avec les autres en expédition. Et là, je me dis, mais je suis capable de monter des expéditions. Et ça a été un départ. Vous êtes aussi l'un des premiers à faire de la pédagogie sur les régions polaires. Aujourd'hui, ça prend encore plus de sens. Vous avez été parmi les premiers à expliquer à quel point elles ont de l'importance pour la vie sur Terre, pour la planète, pour le climat. Est-ce que vous avez le sentiment parfois de ne pas avoir été entendu? Non, je pense que j'ai été entendu, mais pour parler d'une chose qui est le réchauffement climatique, c'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour arriver à inculquer que c'est une réalité, on a perdu beaucoup de temps avec le réchauffement climatique parce qu'on en a fait un sujet de conversation populaire. Du style, deux personnes vont le matin chez le boulanger, il est au mois de juillet par exemple, acheter la baguette de pain, il fait froid ce matin-là. Donc l'autre il va dire, il y en a un qui dit, oh, t'y crois toi? T'as vu comment on se caille au mois de juillet? Et l'autre il va dire, ouais, t'as peut-être raison, il nous raconte des trucs. Ça ne se perçoit pas. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Personne ne peut percevoir ce réchauffement moyen. Et c'est cette fièvre chronique qui est là, qui s'installe depuis un moment. Et donc, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Que ça ne se transforme pas en sujet de conversation populaire? Les mesures dont on parle aujourd'hui, Elles auraient été bénéfiques il y a 20 ans quand on était sûr que l'homme... Vous voyez, il y a un éminent glaciologue qui s'appelle Claude Lorius, qui a travaillé avec Jean Jouzel, notre glaciologue, sur les carottes de glace en Antarctique, qui nous raconte l'histoire du climat de la Terre sur aujourd'hui à peu près 1 million d'années. Et j'avais fait une conférence avec Claude Lorius en 90. Moi, je rentrais de l'Antarctique, je parlais de mes chiens, la traversée, et lui, Claude, nous parle de ce qu'il trouvait dans les carottes. Il nous montre, il fait ça, la courbe qui fait ça, vous voyez, période interglaciaire. Glaciaire, interglaciaire. Donc la Terre, elle a sa vie propre. Mais là, il dit, regardez, depuis 150 ans, cette accélération de la température et de la teneur en gaz carbonique, elle est là, la signature de l'activité humaine. C'était en 90. Et donc, si tout d'un coup, on avait pris la mesure, vous voyez ce que je veux dire, c'est là qu'on a perdu beaucoup. Oui, mais prendre la mesure, ça passe par des conversations entre Français aussi. Oui, Français. Quitte à ce que certains aient des doutes. Non, mais Français et planétaire, parce qu'on est un des acteurs, même, je dirais, un des petits acteurs. Le problème, c'est le charbon, qui est l'ennemi numéro un du climat, parce que le charbon a même quantité d'énergie produite par rapport au gaz, par exemple, s'il est exploité dans des bonnes conditions, c'est la moitié de CO2. Et donc déjà, si cette transition se faisait vers un usage du gaz, dans une transition, ça serait... Mais remuer le monde sur cette question qui est l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui nous fait vivre, on ne s'en rend pas compte. On branche une prise, on ne sait pas ce que ça consomme, on va faire le plein d'essence parce qu'il faut aller... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement facile. Et à un moment donné, on parle de restreindre l'énergie, transformer nos ressources énergétiques. Donc ça, c'est une inertie colossale, quoi. Qu'est-ce qui, concrètement, vous a frappé lors de vos expéditions où vous vous êtes dit « la planète est en train de se réchauffer » Des exemples concrets qui pourraient parler à nos téléspectateurs. J'ai deux choses. Bon, les régions polaires sont des régions qui nous révèlent, comme je viens de le dire, l'histoire du climat. Et en même temps, ce sont des témoins aujourd'hui du réchauffement qui est à l'œuvre. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Donc en 86, bien sûr, je rencontre des ouvertures dans la glace, mais peu importe, c'était normal parce que la glace bouge. J'ai survolé en ballon en 2010, en avril, début avril. Début avril 2010, c'est la fin de l'hiver. En ballon, qu'est-ce que je constate? À 2000 mètres d'altitude, des immenses déjà étendues d'eau libre. Alors que c'est à peine la fin de l'hiver, ça c'est au nord. Et au sud, j'ai traversé l'Antarctique. En équipe internationale, avec des traîneaux à chiens, et les 600 premiers kilomètres, on était sur la péninsule antarctique, qui est un appendice, on était sur ce qu'on appelle des plateformes de glace. Les glaciers descendent, flottent sur la mer, et donc on est passé, les 600 premiers kilomètres ont disparu, se sont détachés du, voyez. Donc on pourrait plus refaire, aujourd'hui, l'expédition, l'intégralité de l'expédition que j'ai faite en 89. Donc, il y a une accélération, effectivement, de la prégnance du réchauffement climatique sur la planète, et on le voit, quoi. Hein. Est-ce que vous restez tout de même optimiste? Est-ce que vous avez foi en l'innovation par l'homme, en sa capacité à... On a aujourd'hui la conscience de la situation. Il n'y a personne, je crois, qui dit que non. Hein, là, c'est très clair. C'est très clair. Oui. On a l'intelligence des solutions. Les solutions, elles sont de deux ordres. Elles sont comportementales. On le sait, ce qu'il faut économiser l'énergie, etc. Je ne fais pas faire la liste de tout ce que l'on doit faire pour économiser l'énergie, limiter les émissions de gaz carboné. Donc elles sont comportementales et chacun d'entre nous doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle, politique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut être au maximum de ce que l'on peut faire dans son action. Donc ça, c'est la réponse comportementale. Et puis, il y a une réponse technologique. Il est évident qu'aujourd'hui, quand on trouve un moteur, par exemple, ils vont être bannis, les moteurs thermiques, mais quand on fait un moteur à explosion qui consomme 2 litres au 100 par rapport à 25 litres d'il y a longtemps, vous voyez, donc la technologie va nous offrir effectivement l'usage de l'électricité pour les voitures, etc. Donc elle est technologique. On a besoin d'ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs pour inventer le futur, quoi. Est-ce que c'est aussi un peu le sens de votre prochaine aventure? Parce qu'il y en a une autre, hein. C'est pas du tout terminé, ouais. Les expéditions pour vous. Vous repartez à bord du Polar Pod en Antarctique. Expliquez-nous. Alors là, c'est l'Antarctique, c'est l'Arctique en haut. L'Antarctique, c'est en bas. L'Arctique, dont je parle tout à l'heure, est un immense océan entouré de terre. L'Antarctique, c'est un continent qui est grand, comme 28 fois la France. Vous voyez un puzzle comme ça, 28 France, c'est la taille de l'Antarctique. Et tout autour, il y a l'océan Austral. Et cet océan, il est loin. Il est difficile d'accès. Il y a quelques missions qui se sont rares. Les Français à fond avec le Marion Dufresne, qui est un navire qui va de La Réunion à Kerguelen. Mais ces explorations, elles se font essentiellement l'été. Donc, toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan. Et cet océan, c'est celui que nous font découvrir tous les marins du Vendée Globe tous les 4 ans, les fameux 50e hurlants, voyez. Donc, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. On en est quasi certain. Quelle est son efficacité? On ne le sait pas. Et donc, l'équation qui m'a intéressé, quel type de bateau, de vaisseau on peut inventer, on peut construire pour séjourner dans les 50e hurlants, dans des bonnes conditions de sécurité. Un projet fou, hein, pardon, j'y reviens, mais... Peut-être l'idée est décalée un peu, quoi, vous voyez? Parce que l'idée naturelle fait, on y va en bateau, mais ça ne va pas en bateau. Un bateau, vous êtes posé sur la mer, vous êtes sans arrêt agité, surtout dans ce coin. Et l'idée, que j'ai travaillé avec un bureau d'études qui est à Lorient, CIPST, en fait, l'idée est simple, c'est d'avoir un bateau, c'est faire un bateau vertical. C'est-à-dire que il est ancré dans 80 mètres de profondeur. Donc le vent agite la surface, un bateau il est posé sur la surface, il bouge, mais si vous avez un tube, c'est un tube, on n'habite pas dessous, un tube qui descend avec 150 tonnes de lest au fond, vous êtes pris dans des eaux stables et déjà, donc vous êtes échappé à la surface, et à la surface on a mis un treillis, c'est-à-dire que les vagues nous passent à travers. Donc il est très confortable, on avait fait... Alors il est fou, vous avez raison, c'est fou, mais les ingénieurs aujourd'hui... Et je découvre des start-up, il y a de l'intelligence incroyable, on a fait des maquettes, on a simulé les 50e hurlants dans le bassin à vagues d'Ifremer ou à l'école centrale de Nantes, et on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus stable qu'un navire. Et donc, pour vivre longtemps si loin, il fallait qu'il soit autonome. Et donc, le moteur, c'est le courant, il n'a pas de moteur, hein. Le moteur, c'est le courant qui va nous entraîner autour de l'Antarctique. Et l'électricité, c'est le vent, parce qu'il y en a beaucoup. Et vous ne vous fixez aucune limite, même pas d'âge, sur cette exploration? Vous testez un peu vos limites, à vous aussi? Qu'est-ce que vous vous dites? Vous voulez que je vous dise? Je suis jeune depuis plus longtemps que vous. Pardon. Et tant mieux pour vous. Jean-Louis Etienne, on a un rituel dans cette émission. On en a même plusieurs, d'ailleurs, vous allez le découvrir. Mais on en a notamment un qu'on a appelé la séquence photo. Yes. Je vais vous montrer quelques photos. Alors, on a d'abord pensé à celle-ci pour vous. Vous êtes aux côtés d'autres explorateurs, et ouais. Notamment, si je ne me trompe pas, dites-moi de Will Steiger, c'est bien ça? Will Steiger, ça c'est l'Américain, effectivement, avec qui on a... Une rencontre incroyable, improbable, je crois. Oui, j'ai rencontré Will au pôle Nord, un soir, j'entendais des bruits comme ça, j'ai dit, merde, c'est un ours. Et puis non, c'était les chiens de l'expédition Will Steiger, et on s'est mis d'accord pour faire une expédition en Antarctique, c'était en 89... Il fallait être un acteur de la reconduction du traité de l'Antarctique. Et donc, je dis, il faut une expédition internationale. Et on avait une baseline. L'Antarctique n'est pas un continent pour les hommes. C'est un continent pour la Terre. Et donc, on a réuni, donc, un Japonais, un Russe qui était soviétique quand on est parti encore, un Chinois de Chine populaire, et puis, donc, magnifique expédition. Ouais. Will Steiger qui est à votre gauche, hein. Je précise pour les téléspectateurs. Vous avez échappé, il y avait en plus un Anglais. Alors, on a pensé à une autre photo pour vous, qui va peut-être surprendre nos téléspectateurs, mais pas vous, j'en suis certaine. C'est un bloc opératoire. Vous l'avez dit, vous avez été interne en chirurgie. Et là, sur cette photo, précisément, vous avez 25 ans et vous assistez le docteur Guibé, qui est chef de service, à Castres. Oui. Des bons souvenirs, la chirurgie? Extraordinaire. Pourquoi? C'est ma frustration. Parce que j'ai adoré ça. Le docteur Guibé, donc, qui était chef de service, je lui demande, j'étais en deuxième année de médecine, et je lui demande si je peux regarder, assister aux opérations. Et il me dit, venez, tous les matins, j'étais là. Un jour, urgence de la main. L'interne n'est pas là, il est dans le service, et le Guibé se retourne vers la chef du bloc, Madame Massad, j'ai des noms comme ça, inoubliables. Habillez Étienne. En chirurgie, on vous habille, vous voyez, vous vous mettez en... Oui. Habillez Étienne. Et là, tout d'un coup, je mets les mains dans la médecine, vous voyez, c'est un coup de foudre. Je dis, mais je serai chirurgien. Et donc, j'étais interne en chirurgie avec une passion pour l'orthopédie. L'orthopédie, c'est la charpente, vous voyez, c'est les articulations, c'est la mobilité. On met des clous, des plaques, des broches. J'aime dire que j'avais un CAP déjà, vous voyez ce que je veux dire, j'avais une formation. Finalement, c'est cohérent. C'était très cohérent. Mais donc, j'ai aimé passionnément la chirurgie. Et comme je vous disais, ça reste une frustration, mais on ne peut pas tout faire. S'il y avait des choses à refaire, justement. Mais ce schéma m'a conduit vers les expéditions que j'avais envie. C'est parce que j'étais médecin, chirurgien, que j'ai pu être admis dans des grandes expéditions. Et s'il y avait des choses à refaire, il y a des choses que vous referiez différemment aujourd'hui? Non. Vous n'avez pas de regrets? Vous n'avez aucune... J'ai quelques frustrations quand je viens d'évoquer. Mmh. Une autre frustration, j'étais demi de mêlée au Castres Olympique. Junior B, Junior A, j'ai eu un problème de santé qui m'a interdit. J'étais malheureux. mais malheureux. Pourquoi? C'était important, oh, le j'adorais. Rugby, le sport en général. J'étais un garçon extrêmement timide et tout d'un coup, le rugby faisait que je ne rougissais plus quand on, voyez, quand on m'interpellait dans un groupe comme ça. J'avais trouvé ma place. J'étais demi de mêlée, j'ai adoré ce sport et un accident de santé a fait que j'ai dû abandonner. Autre séquence, la séquence archive, puisque les archives nationales nous font le plaisir, nous proposent chaque semaine un document qui peut avoir du sens pour notre invité. Et on a pensé à celui-ci pour vous, alors je vais vous le donner en main propre. Alors vous devez mettre vos lunettes peut-être pour bien fait voir un petit peu plus clair, mais moi je vais le traduire et je vais le traduire pour nos téléspectateurs. C'est l'acte de propriété d'une partie des terres australes par la France. Il s'agit d'un courrier adressé en 1849 au ministre de la Marine qui, je cite, par sa lettre du 20 juin 1843, l'amiral Bazoche avait rendu compte au département de la Marine de l'arrêté qu'il avait pris pour ordonner la prise de possession au nom de la France des îles Saint-Paul et Amsterdam. On a eu raison de penser à ce document pour vous ? Oui, alors Saint-Paul et Amsterdam, ça fait partie effectivement d'un patrimoine français qui est reconnu. La France possède une partie de ces terres australes, les gens ne savent pas. Les Antarctiques françaises. Ouais. Et donc elle possède Marion, Crozet, Kerguelen, Amsterdam, ce sont ces îles-là, des terres australes, et revendique une autre qui s'appelle la Terre Adélie. La Terre Adélie, c'était un peu à cette période-là, quand Dumont d'Urville prend possession de la Terre Adélie, il l'appelle Terre Adélie parce que sa femme s'appelait Adèle, donc il l'appelle Terre Adélie. C'est un morceau de camembert, vous voyez, de l'Antarctique, partant du pôle sud. Ce n'est qu'une revendication territoriale qui n'est pas reconnue par aucun traité onusien. Il y a 7 pays qui revendiquent. Et ça, c'est une revendication territoriale non reconnue par la communauté scientifique. Posséder ces terres, le fait que la France possède ces terres, ça donne à la France une responsabilité particulière sur ces terres. Oui, ça donne une responsabilité particulière. D'ailleurs, ça donne des facilités technologiques, il y a des centres d'écoute dans le secteur, et ça donne effectivement l'opportunité qui se développe beaucoup aujourd'hui, d'avoir des réserves territoriales de biodiversité. Mmh. Et la France, en même temps, en ayant ces terres-là, les surveille de la surpêche. C'est très très loin de tout, vous voyez. Il y a un poisson qu'on appelle la légime, qui a une haute valeur commerciale. Et s'il n'y avait personne pour surveiller ça, elle serait pillée totalement. Et donc, la France protège ces terres-là, parce qu'elle les possède. Et on a ce qu'on appelle la zone économique exclusive, qui est 200 000 nautiques autour de chacune des possessions. Et la France surveille ça, heureusement, quoi. Des terres qu'il faudrait sanctuariser. Et puis, il y en a une qui est sanctuarisée, qui s'appelle Crozet. Ouais. Qui est une aire marine protégée dans laquelle on ne peut absolument pas y aller. Allez, dernière séquence, cette fois c'est vraiment la dernière de l'émission, je vous le promets Jean-Louis Etienne, c'est le choix de la vertu. Je vous reprends le document, merci beaucoup. Nous sommes entourés, vous l'aurez remarqué, dans cette tour de l'horloge au Sénat, qui est donc un lieu assez méconnu, de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Vous avez la sagesse derrière vous, la prudence, la justice... Et l'éloquence, est-ce qu'il y en a une qui vous parle plus que les autres ? Je suis tout à fait d'accord avec ces trois-là. Hein. Ouais. La prudence. Vous n'allez pas me dire que vous êtes prudent si. Non, enfin, je suis prudent, mais il y a souvent une chanson de Brel qui me revient, « Le monde se meurt par manque d'imprudence ». Vous voyez ? Et je trouve qu'il faut faire la place à l'ambition, oser, vous voyez ? Oser, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Mmh. Et donc, on entre dans un secteur, si vous voulez, où des fois, on est bridé par la norme. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et pour moi, la norme, c'est... Bon, la norme existe, il faut qu'elle existe, si vous voulez. Mais oser, c'est passer la frontière où vous amène l'expert. L'expert, il est garant de la norme. Et quand vous créez quelque chose, vous êtes au-delà de la norme. Et cette part d'imprudence qui peut être lieu de créativité. Et c'est un magnifique message pour conclure cette émission. Merci infiniment Jean-Louis Etienne d'avoir été notre invité dans Un Monde, Un Regard. Merci de nous avoir donné un petit peu de votre monde et de votre regard. C'est la fin de cette émission. À très bientôt sur Public Sénat. We'll be right back. la revue de presse. Alors, Vosges Matin du 2 septembre 2022, par exemple, Épinal. Ce n'est pas un radar, mais un théodolite. L'appareil mesurant les mouvements du commissariat de police a des faux airs de radar. Cela mesure les coordonnées verticales et horizontales à intervalles réguliers. C'est pour cela que l'objectif tourne sur lui-même. Relié à un serveur informatique, le théodolite livre donc plusieurs fois par jour des indications précieuses. Car le commissariat de police d'Épinal bouge, pas le personnel, le bâtiment. Fermé en 2018, construit au début des années 90 entre la Moselle et le canal, le bâtiment a vite été victime d'inondations dans ses sous-sols et en 2018, il était carrément fermé. Des fissures étaient apparues, des carrelages se soulevaient, des faux plafonds tombaient au sol. Voilà, alors on construit de plus en plus vite, de moins en moins cher normalement, hein, mais pas de mieux en mieux, apparemment, non. Alors, autre chose, Jean Ménil, Nathalie Touvenot rejoint le groupe scolaire. Alors, c'est une ouverture donc de l'école. Hein, l'article en question, il mesure 10 cm sur 20, c'est-à-dire 200 cm carrés. C'est l'école publique. À côté, il y a un autre article à Bruyères, de la maternelle au lycée, 468 élèves font leur rentrée à l'institution Jeanne d'Arc. C'est une école privée. Alors là, l'article, il fait 14 par 18 cm, c'est-à-dire 252 cm carrés. Ouais, il y a 52 cm carrés de plus. Pourquoi donc? Pourquoi? Moi, j'ai pas, bon, je sais pas, hein. Vous avez une idée? La CGT s'alarme d'un possible démantèlement de Renault. La CGT s'est alarmée jeudi de démantèlement de Renault et en a appelé à l'État actionnaire. L'État actionnaire, c'est-à-dire nous. Hein. Quand l'État est actionnaire, ce sont les citoyens, les contribuables, qui sont les actionnaires. Après, depuis 1945, puisque en 1945, Renault a été nationalisé pour avoir collaboré avec l'occupant nazi. Hein. Après des informations de presse précisant les possibles contours d'une scission des activités du constructeur automobile entre motorisation thermique et électrique. Ouh, attention, attention, attention. Il y a des choix à faire, mais il faut les faire prudemment, très prudemment. Le PDG de Renault, Lucas de Meo, souhaite séparer les activités thermiques des activités électriques du groupe. Un moyen de privatiser une partie de l'activité de l'entreprise nationalisée Renault. Privatisé. Guerre en Ukraine. La IEA poursuit sa mission à Zaporizhia. La mission d'experts de la IEA a annoncé jeudi rester à la centrale ukrainienne de Zaporizhia après l'avoir inspectée. Il s'agit d'une mission à haut risque visant à éviter une catastrophe nucléaire sur ce site que les Russes qui l'occupent et les Ukrainiens s'accusent mutuellement de bombarder. Ah oui, pourvu qu'on ne bombarde pas une centrale de Katnum, par exemple. Hein. L'ONU accable Pékin. Pour la première fois, l'ONU évoque des crimes contre l'humanité à l'égard de la communauté ouïghour au Xinjiang, en Chine, dans un rapport publié mercredi. Une avancée pour les associations de défense des droits humains qui attendent désormais des mesures de la part des pays membres. Il faudrait que l'ONU joue son rôle partout. Et tout le temps. Ça serait beaucoup mieux. Saint-Maurice-sur-Moselle, le nouveau médecin sur le départ à cause d'un chiffre d'affaires insuffisant. Chiffre d'affaires. C'est pas honoraire qu'il fallait dire plutôt que chiffre d'affaires. Arrivé en mai dernier au grand soulagement des habitants du secteur qui n'avaient plus de médecin depuis février, le nouveau médecin généraliste de Saint-Maurice-sur-Moselle est déjà sur le départ, parmi les raisons avancées par le praticien, des volumes insuffisants et des problèmes financiers personnels. Voilà. Branle-bas de combat suite à une alerte à la bombe. Saint-Étienne-lès-Miremont. Après la découverte d'un colis suspect dans un appartement situé dans un immeuble proche de la mairie de Saint-Étienne-lès-Miremont, la mairie a procédé à l'évacuation de 70 riverains et mis en place un périmètre de sécurité. Les démineurs de Colmar, envoyés sur les lieux ont constaté qu'il s'agissait d'un leurre. L'érosion se poursuit dans les établissements scolaires. Partout dans les Vosges, écoliers, collégiens et lycéens ont repris le chemin des salles de classe. Et en ce qui concerne la démographie scolaire, les rentrées se suivent et se ressemblent. Chaque année, les Vosges perdent un peu plus d'élèves et ce cru 2022 ne déroge pas à la règle. Ben oui, mais c'est normal ça. Hein, à force de perdre des emplois, les gens essayent de trouver du boulot ailleurs. Donc on perd des habitants. Et puis ceux qui ne peuvent pas partir ou etc. et qui sont en âge d'avoir des enfants, quand ils voient le marché du travail, ça leur fait peur. Donc ils ne fréquentent pas la maternité. Eh oui, et les bébés qui ne naissent pas à la maternité, ils n'iront pas à l'école. Et ils n'iront pas au collège, et ils n'iront pas au lycée, et ils n'entreront pas sur le marché du travail. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, on est bien gouverné, faut pas croire. Eh oui, on a 6 millions de chômeurs dans ce beau pays de France. 6 millions. Oh, les députés, les sénateurs, etc., les élus, moi je les regarde. Oh, je les regarde bien. Oui, oui. Ah là là. Le vétéran Bud Gash rend hommage à ses deux camarades, à Dinosé, lors d'une commémoration exceptionnelle. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, américain, a fait le déplacement pour honorer la mémoire de ses amis disparus au combat. Voilà, des gars d'une vingtaine d'années qui ont traversé l'Atlantique pour venir perdre leur vie, venir tuer des gens ou se faire tuer en Europe, parce que leur gouvernement leur donnait l'ordre, et parce que il y avait la Deuxième Guerre mondiale en Europe, et cette guerre mondiale avait été déclenchée notamment par un certain Adolf Hitler, qui avait été élu par le peuple allemand, élu, des élections, élu, hein, en 1933. Et il était élu pourquoi, cet Adolf Hitler, là, ce nazi, eh bien, il était élu à cause du chômage. À cause du chômage. Et nous avons combien de chômeurs en France actuellement? Eh bien, 6 millions. Ah oui, le même nombre. Il y avait, à l'époque, il y avait 6 millions de chômeurs par rapport à 60 millions d'Allemands, c'est-à-dire 10% de la population, tout âge confondu. Hein, le bébé qui vient de naître, il rentre dans la statistique, et l'arrière-grand-père aussi. Et en France, on est 64 millions et nous avons 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, et même davantage. Voilà. Oh, les politiques qui sont bien. Mon, parce qu'on a bien fait de voter pour eux. Eh ben, on commencera encore à voter pour les mêmes. Oh, ou pour pire. Parce que, il y a pire que la droite. Ah oui, oui, oui. Et la preuve? En Allemagne, ils ont trouvé pire que la droite. Oui, oui, oui. En votant pour les nazis, ils ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Indirectement. Ouais. Ils savaient pas que leur bulletin de vote allait être la cause de la mort de 60 millions d'Européens et d'Asiatiques. Et d'Américains, hein? Ah ben non, ils pensaient pas, ben sinon ils auraient voté autrement quand même. Ils pensaient pas que un petit bout de papier qui tombe dans une urne, ça peut causer des millions de morts. Voilà. Ben oui. Mort de Lady Diana. Deux points. Ouvrons les guillemets. Aucun doute, virgule. C'était un accident. Point d'exclamation. Fermons les guillemets. Hein? Aucun doute. Bon. Voilà. Aucun doute. Alors, Philippe Claudel, je félicite le directeur de la prison de Fresnes, qui avait organisé une course de karting, etc. Être condamné à une peine de prison n'équivaut pas à être interdit d'espérer, de rêver, de rire, d'éprouver des joies, des peurs, des émotions. Eh oui, il faut que la prison serve à rééquilibrer les gens, à les rendre plus intelligents qu'ils n'étaient à l'entrée, et qu'ils soient... qu'ils puissent se réinsérer de façon logique, correcte, sociale, dans la société. Hein. Épinal, affaire Bastien Raoult, le juge administratif se déclare incompétent. Voilà. Jusqu'à présent, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a refusé de donner ses fameux documents, soulignant qu'il était tenu à une clause de confidentialité avec les USA. Tenu à une clause de confidentialité avec les USA. Mais c'est pas la confidentialité, la justice. C'est quelque chose qui se passe au grand jour, au vu et au su de tous les citoyens. Sébastien Raoult est accusé de piratage informatique. Il est incarcéré au Maroc. Voilà. Là, donc, la clause de confidentialité brandie par le garde des Sceaux n'est qu'une légende. Voilà. Le juge administratif nous renvoie vers le juge judiciaire. Eh bien, un juge qui est judiciaire. Ça peut être judiciaire, un juge. Eh oui. Il s'occupe de justice. Donc, judiciaire. Donc, on apprend des choses dans le journal. On est informé. Eh bien oui, c'est leur métier, les journalistes, de nous informer. Ah oh, oui. Enfin, heureusement qu'on n'a pas que les journaux, hein, ni que les télés habituelles. On a aussi Internet pour nous informer, pour compléter, pour corriger, pour améliorer l'information. Eh oui, le citoyen, avant d'aller voter, il a le droit d'être informé. Il a le droit. Eh oui, parce que les Allemands, ils étaient très mal informés en 1933. C'est pour ça qu'ils ont voté pour Hitler et que ça nous a valu une guerre mondiale qui nous a valu 60 et quelques millions de morts. Eh oui, parce que les citoyens étaient mal informés. Politique, le grand flou autour du Conseil national de la refondation. Qu'est-ce que ça veut dire, Conseil national de la refondation? C'est du charabia. Haut-Rhin, Fessenheim, plus aucun combustible à la centrale. Eh ben voilà. Les choses avancent, ça bouge. Mais ça ne veut pas dire que la centrale n'est plus radioactive. Hein. On a retiré le combustible qui fournissait la radioactivité, mais les matériaux qui étaient en contact direct ou indirect avec cet uranium, eh bien, sont restés radioactifs. Hein. Eh oui, sont radioactifs, certains, pour plusieurs milliers d'années. Plusieurs milliers d'années, nous on a consommé l'électricité d'origine nucléaire et nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, etc., pendant des générations et des générations et des générations, vont subir la radioactivité que nous avons mise en œuvre. Alors, school and the gang, hein, what is it? Eh bien, c'est une pub, c'est de la publicité, oui, c'est du glitch. Bon, en France, bientôt, on parle plus français. Ben non, les larbins font ce qu'il faut pour que ça soit plus le cas. Hein, les larbins. Non, les larbins. Oh, il y avait plein de larbins entre 1940 et 1945 en France et ailleurs. Oh, ben, des larbins, c'est pas difficile. Vous donnez un coup de pied dans une borne et puis là, en sourdissent des larbins. Des gens dociles. Les crises peuvent parfois être utiles. Ainsi, la crise de la moutarde met un coup de projecteur sur ce condiment. On apprend que la moutarde de Dijon en Bora et la moutarde maille, qui se voudrait plus qualitative, appartiennent en fait au même groupe agroalimentaire, le néerlando-britannique, Unilever. Tiens, on croyait que la moutarde c'était français, hein, que c'était franco-français la moutarde. Ah oui, eh ben non, c'est même produit dans un pot différent, mais l'un plus cher que l'autre. Et pour l'amour du goût, sans doute. 90% de cette moutarde est fabriquée avec des graisses essentiellement canadiennes. Oh là là, on en apprend des choses. Pas sur le vrai journal, vous voyez, sur Internet, hein. Eh oui. Et que sont devenus nos producteurs français bourguignons? Bon, comme la graine de moutarde n'est pas éligible aux subventions agricoles européennes, ils l'ont remplacée par le colza et le tournesol. Voilà comment une décision politique transforme un pays autosuffisant en un pays dépendant. La moutarde n'est encore, après tant d'autres, qu'un exemple de ce que la corruption à un très haut niveau, lobbyiste et élu véreux, on parle de vous, est capable d'engendrer. Heureusement, certains encore se battent. Je pense notamment aux producteurs de lavande, pour maintenir des produits de qualité et dont la première qualité est leur proche localisation. Ainsi, concernant la moutarde, on peut acheter de la moutarde française, entre guillemets, qui est IGP, indication géographique protégée, en lisant tout simplement sur l'étiquette moutarde de Bourgogne, indication qui garantit une fabrication avec des graines locales françaises, donc maille et amora. Basta, comme on dit en course, basta. On finit le pot et on change de crèmerie. Merci la crise. C'est nous, les consommateurs, qui avons le pouvoir. Il ne faut pas l'oublier. C'est nous, les consommateurs, qui avons le pouvoir. Il ne faut pas l'oublier. Ville de Remiremont, plan de travaux, rue du Blanc-Pot-de-Camp. Joël Robichon, conseiller municipal délégué à la propreté, a assisté ce lundi matin à la pose d'enrobés par l'entreprise TRB, rue du Blanc-Pot-de-Camp, en présence des services techniques. Cette réalisation clôture les travaux concernant l'amélioration du réseau d'eau potable avec la création d'une conduite et l'installation d'une nouvelle borne qui renforce considérablement la protection incendie pour ce quartier pavillonnaire sur les hauteurs de la commune. Ainsi, la conduite d'eau en PVC devenue vétuste a été remplacée par deux conduites en fonte. Alors, conduite d'eau en PVC. Non, c'était pas du PVC, c'était de la fonte. C'était de la fonte. Ah oui, et puis la fonte, elle avait fait des paillettes de rouille à l'intérieur. Les paillettes de rouille qui arrivaient jusqu'à nos robinets. Oui, le PVC, il fait pas de paillettes de rouille, lui, le PVC. Ouais, bon, c'est un détail, hein. Un détail technique. Hein, technique. Les députés LR qui osent prétendre que les centaines de millions d'euros de l'allocation de rentrée servent à acheter des écrans plasma sont les mêmes qui nient que les centaines de milliards des aides au patronat servent surtout à goinfrer les actionnaires. Il y en a qui sont méchants quand même, hein ? Ah oui. BFM TV, le journaliste demande « Pourquoi l'inflation en France est plus faible qu'ailleurs ?» Fermons les guillemets, point d'interrogation. Réponse de l'économiste. Ouvrons les guillemets, c'est l'économiste qui parle. Déjà, nos prix de base étaient 15% plus chers que chez nos voisins. Ah, gros malaise sur le plateau. L'école libre, c'est l'école laïque. L'école libre, c'est l'école publique. L'école libre, c'est l'école républicaine. Il n'y a pas d'autre école que celle-là. Des enseignants de valeur, des enseignants dévoués, des enseignants respectueux des élèves. L'école laïque, c'est l'école supérieure. Parents, confiez vos enfants à cette école qui est la seule où l'on respecte toutes les opinions, toutes les croyances des élèves et de leurs parents, où l'on donne à vos enfants la meilleure instruction, la meilleure éducation. La République a besoin d'une école laïque, où des élèves de toute religion, de toute origine, recevront le même enseignement respectueux de leur personne, et où se bâtira ainsi l'avenir d'une nation fraternelle, apte à prendre toute sa place dans une Europe solidaire. Vive l'école laïque, l'école de la liberté, c'est l'école où l'on ignore les dogmes, le fanatisme, la ségrégation religieuse ou autre. Parents, ne vous y trompez pas, il n'y a pas d'école libre autre que l'école publique, autre que l'école laïque. L'enseignement public est laïque, aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements. Je vous demande d'y veiller avec une fermeté sans défaillance. Circulaire du 15 mai 1937 de Jean Zé, ministre de l'Éducation nationale. Nicolas Frabon. Pardon, mais je n'arrive pas à accepter que l'affaire Macron-Uber soit passée à la trappe. Un ministre de l'économie ouvre un marché à une entreprise étrangère au mépris de la loi. En récompense de lobbyiste en chef de la boîte, Boss Kratos, pour sa campagne présidentielle. La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. Qui a dit ça? Ben, c'est pas l'écrivine, c'est Louise Michel. 1870, disons. Mes parents ont fui la dictature du Chili. Ma mère était enceinte de moi en prison. Je sais faire la différence entre ce qui est une dictature et ce qui n'en est pas. La France n'est pas une dictature. Mais nous sommes dans un régime oligarchique, avec un pouvoir et des richesses concentrées dans les mains de petits groupes servis par le président. Signé Raquel Garrido. David Guiraud, et France Insoumise. Cortège nazi à Besançon, en plein centre-ville, samedi dernier. Chant militaire allemand, sticker SS. Le bar qui les accueille, le Shake Pint, n'est pas inquiété. La police fait, entre guillemets, des vérifications, fermons les guillemets, sur ce, guillemets, chahut. Mais bon, ils ne sont pas musulmans, pourquoi s'inquiéter? Le nazisme ne fait pas peur aux gens de droite et d'extrême droite. En France, non. Mais non. Dans les Vosges, pour préserver des parcelles de forêt de toute activité humaine, Jean-François Petit les rachète avec son association Libre Forêt. Pas d'abattage, pas de chasse, pas de cueillette. Ici, la nature évolue librement, sans aucune gestion. La gauche à laquelle nous croyons est pétrie de l'esprit de nuance, Cazeneuve, et ses 399 éléphants. Cazeneuve. Hein? Dommage, le capitalisme, lui, n'en a aucune de nuance quand il s'agit de nous dépouiller et de nous gazer si on proteste. Rémi Fraisse ne peut plus en témoigner, mon cher Bernard Cazeneuve. Et c'est un peu toi qui l'a fait taire. Bernard Cazeneuve, ministre soi-disant socialiste, soi-disant. Une autre gauche est possible, les mêmes. Là d'accord, aujourd'hui, elle s'appelle la NUPES, Nouvelle Union Populaire Économiste, Écologique, pardon, et Socialiste. Les crises peuvent parfois être utiles. Voilà. Alors, Amora et Maille, voilà. Hein, c'est nous les consommateurs qui avons le pouvoir. Il ne faut pas l'oublier.